Le Rhin. Les épaves des navires d'autrefois sillonnent le Rhin, dépassant de la boue pétrifiée. Même si le fleuve n'est plus navigable, il sert toujours de voie marchande. Le Rhin couvrait autrefois toute la région, une région désormais dévastée, recouverte de poussière rouge. Deux personnes marchent à l'intérieur du fleuve Tari, un hospitalier et un chroniqueur, Toric et Afflux. Vous portez des masques pour vous protéger des tempêtes de poussière. Votre destination est cathédrale, et elle se dessine à l'horizon. En approchant via l'ancien lit de la rivière, vous apercevez d'abord la silhouette de deux tours jumelles dans la brume. Noircies par le temps, elles sont dotées d'une architecture qui les fait ressembler à des pieux balafrés. Ce n'est que de près que vous apercevez les gargouilles et les statues ornant la façade, pointées vers le ciel. Vous vous sentez vraiment minuscule face à ce paysage monumental. La ville, elle est ceinte d'une muraille, avec des piliers, des renforts en saillie, et des chemins de ronde couverts. Vous voyez des sculptures qui représentent d'innombrables batailles, où vous apercevez des anabaptistes, grandeur nature, en train d'affronter, engagés dans des combats féroces contre des psychonautes. Vous pénétrez à l'intérieur de la ville. Pour cela, vous devez descendre dans une ancienne galerie, et traverser une ligne de défense souterraine. Là-bas, vous y croisez un anabaptiste. Il vous demande votre identité, avant que vous puissiez rentrer. Ainsi que le motif de votre venue. Une simple question de protocole. Vous le regardez et vous lui répondez gentiment que vous êtes là pour rendre visite à une vieille amie. Mokosh, de ton côté, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Peu de temps après votre retour de Lucatore lors de votre dernière mission, tu as reçu la visite de plusieurs orgastiques. Les anabaptistes avaient ouvert une enquête et souhaitaient savoir tout ce que toi tu savais sur ce qui s'était passé là-bas. Pour cela, ils t'ont demandé de te rendre à la cathédrale, pour une durée, disons, indéterminée. Ensuite, ce qui débuta alors comme une espèce d'association, entre toi et le reste des anabaptistes, finit finalement en un interrogatoire. Ton témoignage n'a pas arrêté d'être mis en question de nombreuses fois ces derniers mois, et décortiqué dans tous les sens. On te demanda même de le raconter une fois devant les huit baptistes, en tout cas devant le conseil des huit baptistes. Où les plus grandes instances de ton culte se trouvaient. Tu les as entendus ainsi parler de toi, de la véracité de tes propos et de comment est-ce que ton sort allait être géré. En effet, la rumeur semblait circuler dans les couloirs comme quoi tu pourrais être à l'origine de la mort d'une certaine Neva l'émissaire de fer, qui, à ce moment-là, siégeait à Lucatore lors des événements précédents. Aucune idée de où est-ce que provient cette rumeur qu'il a lancé. En tout cas, lorsque les hommes les plus puissants de ton culte étaient... qui chacun, à leur tour, peuvent contrôler plusieurs milliers d'hommes débattés devant toi, tu étais là, fixé la huitième place, celle qui était destinée à Altaïr et qui est désormais vide. Les jours suivants, tu fus emmené dans une chambre d'ambassade au sein de cathédrale. Un joli décor pour une bien petite cellule. Les seules fois où tu pus sortir, tu étais accompagné de orgastique. Et un petit peu comme ça, sous couvert. Officiellement, donc, tu étais le membre de l'enquête qui avait ouvert les anabaptistes, mais officieusement, tu te sentais prisonnière de toute cette machine et de ce mécanisme qui s'était enclenché. La situation, d'ailleurs, en devenait relativement ridicule au fur et à mesure. Quasiment 6 mois s'écoulèrent ainsi depuis le début de l'enquête. Où les jours étaient les uns comme les autres, parfaitement identiques. Mais ce matin, alors que ta porte s'ouvrait et que tu t'attendais à voir l'habituelle servante entrer, tu y vis à la place une silhouette bien plus familière, le commissaire Prael, le juge. Encore et toujours là pour te sortir des mauvaises situations dans lesquelles vous vous êtes mise avec le reste du groupe, bien qu'il n'y soit pas indirectement coupable. Tu le vois qui rentre dans la pièce. Il échange quelques termes de politesse, puis t'indique que tes compagnons t'attendent et que tu es désormais libre d'aller boire un verre au Grandiloquent, une auberge placée sur l'avenue principale. Il enverra un homme vous ramener votre matériel. Tu franchis alors la porte, traverses les longs couloirs du bâtiment, apercevant les conseillers des baptistes qui se réunissent dans le hall principal. Tu y vois près d'une cinquantaine d'orgastiques également qui occupent le bâtiment. On te laisse ensuite dériver jusqu'à l'entrée où tu aperçois d'intenses rayons du soleil pénétrer au sein de la pièce. Tu les traverses et tu redécouvres la ville, t'éblouissant sous ses reflets blancs. En effet, le soleil tape contre la pierre et ça donne une espèce d'aura assez impressionnante à tous ces bâtiments et tous ces dédales. Et devant toi, tu aperçois deux silhouettes que tu connais bien. Thoric et Efflux. Moi, ce que je pense faire directement, souvent, c'est même pas spécialement leur adresser la parole, mais aller pour une accolade avec Thoric. Parce que c'est quand même un ami de longue date. Six mois que vous ne vous êtes pas vus, Mokosh, tu prends Thoric dans tes bras. Non. On se prend dans nos bras. Enfin, je crois qu'il m'en manque un, non ? Il m'en manque un bout ? Oui, d'ailleurs, sachant comment je suis aujourd'hui, d'ailleurs, parce que... Alors, en effet, Thoric et Flux, vous avez trépé... Vous avez été prévenu par Pryl que Mokosh serait libéré aujourd'hui. Vous avez donc emprunté le lit du Rhin pour suivre la route jusqu'à Cathédrale. Jacquard, lui, pour rappel, depuis la dernière mission, s'en est très mal sorti. Il a perdu un bras et une jambe, et c'était trop compliqué pour lui, actuellement, dans l'état qu'il est, de se déplacer. Pour information, lui, de son côté, Jacquard, Thoric, tu t'en es senti vraiment plutôt responsable. Parce qu'il a sacrifié la moitié de son corps pour te sauver la vie, concrètement. Du coup, j'imagine que depuis, tu t'es occupé personnellement d'essayer de faire en sorte qu'il puisse reprendre une vie plus ou moins normale. C'est ça. En termes de rééducation ou autre. Du coup, il se trouve actuellement au hôpital. Et vous pourrez lui rendre visite lorsque vous y retournerez. Et moi, du coup, physiquement, je suis comment ? Enfin, je suis comment ? Parce que j'avais eu une blessure aussi. Alors, en effet, de ton côté, ta blessure n'est pas apparente. On a remplacé ton bras qui manquait par une prothèse. D'accord. Elle est cachée sous ta tenue et sous tes gants. D'accord. La prothèse, elle est vraiment précaire. On parle d'une espèce de gros morceau de plastique qui a plus ou moins l'apparence d'un bras qui, du coup, est figé dans la même position en permanence. D'accord. Elle te fait mal, elle te gratte. Et malheureusement, si tu ne trouves pas rapidement de solution, ça pourrait quasiment compromettre ta carrière de médecin. Heureusement, tu n'es pas chirurgien. Tu n'as pas non plus besoin de tes deux mains pour donner des conseils et soigner les gens. Mais on va bien se comprendre que forcément, c'est... Voilà, avoir ses deux mains est un prérequis au niveau du hôpital. D'accord. Physiquement, tu es habillé avec ta tenue d'hospitalier classique. Tu possèdes tes deux armes, ton fusil à fongicide et ton dilacérateur. Et tu as simplement également un masque autour du cou pour pouvoir te déplacer à l'extérieur et te protéger de la poussière. Et j'entends le souffle... Le souffle qui maintenant s'habitue de Efflux, qui est juste à côté de nous. Ouais. Et après cette accolade faite, quand même par politesse, je vais me tourner vers Efflux et lui serrer la main, on va dire. Lui serrer la main, non parce que... Je lui rends volontiers. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, on est venu te voir. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu ? Ça va faire quasiment 6 mois que vous vous êtes pas vu. Voilà, ils sont pas vus. Vous êtes rentré de votre dernière mission, donc en Purgaré, et alors que vous pensiez écouler quelques jours tranquille, Mokosh a été rappelé au devoir par son culte. En effet, les Anabaptistes qui avaient à l'époque l'emprise sur la Purgaré ont perdu quasiment toute leur influence. La ville appartient désormais à Gala Lombardie et à son mari, Ennio Benesato. Qui sont donc des clanistes. En tout cas, donc nous, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu alors. Exactement. Dis donc, Mokosh, ça fait 6 mois, mais t'as pas changé. Ça fait plaisir. Oui, j'imagine que ça fait plaisir. Elle est quand même un petit peu livide, comme si elle n'avait pas beaucoup vu le soleil ces 6 derniers mois. Et donc, t'as eu peur du soleil pour pas sortir comme ça? J'avais peur de vous manquer au cas où vous veniez me rendre visite pendant les 6 mois qui sont passés. Tu vas me dire que t'es resté à l'intérieur tout ce temps-là? C'est l'idée. Allez donc. Tu sais que le soleil, ça fait quand même du bien. Hein. C'est bon pour la santé, si je puis te dire. Hein. Et ça, c'est le médecin qui te parle. Oh, je sais pas. Le robot, il a l'air de bien s'en sortir, non, pourtant? Ouais, mais bon. C'est efflux. Hein. Mais bon, on m'a parlé d'un coin où on pouvait boire un peu. Ça vous dit qu'on y aille directement? Écoute, allons-y. Avec plaisir. Là-dessus, vous vous mettez en route. L'auberge, qu'on t'a indiqué, Mokoche, s'appelle le Grandiloquent. Elle se trouve sur l'avenue principale. Lorsque vous vous y rendez, vous admirez à droite à gauche de gigantesques piliers de la ville de cathédrale. Vous les voyez s'élever jusqu'à de majestueuses arches de pierre en hauteur. Là-haut, vous voyez de l'eau, qui a sans doute été puisée soit de puits, soit de sources, qui s'écoule jusqu'à des arches et reliées elles-mêmes seulement par d'autres piliers. Vous savez que les aqueducs de cathédrale relient l'intégralité des colonies anabaptistes en Borca occidentale et même quasiment l'intégralité des grandes villes de la Borca. En réalité, en fait, les anabaptistes ont la main mise sur le commerce de l'eau. Et ce système prend source ici, à cathédrale. Après avoir marché quelques minutes, vous tombez sans aucun mal sur l'auberge qui vous intéresse, le Grandiloquent. Mokoche, toi, tu sais que plus tard, quelqu'un viendra te rendre visite ici, avec tes effets personnels. À l'intérieur, vous vous asseyez et commandez des steaks de Gendos. Assez onéreux, mais avec une petite bière locale, cela vous permet de manger, de boire, en discutant du bon vieux temps. Des 6 mois que vous n'avez pas passé ensemble, de vos anciennes batailles, de vos anciens faits de guerre et exploits. De votre côté, Torik et Afflux, vous apprenez aussi à Mokoche que la raison de votre venue ici n'était pas unique. En réalité, en plus de libérer votre ami, en tout cas de récupérer votre ami à sa sortie de prison d'ambassade, vous êtes ici pour un autre fait. On vous avait appris l'existence d'un homme nommé Sven Miller, autrement appelé le collectionneur. C'est un simple prêteur sur gage qui habite en ville. Mais vous savez qu'il a comme réputation, en plus d'acheter un petit peu à peu près tout ce que les orgastiques ramènent de leur conquête, de garder certains effets particuliers pour lui. Des artefacts d'avant-guerre qu'il rachète à des prix onéreux à des ferrailleurs qui passent. Et on raconte que parmi eux se trouverait une prothèse mécanique qui intéresserait fortement Torik. En effet, elle aurait la particularité de pouvoir mouvoir la main et les doigts, là où il est pour l'instant figé dans la même position de plastique. Évidemment, tout ceci est assez, comment dire, rêveur, dit comme ça. Mais peut-être n'existe-t-elle pas, peut-être ne marche-t-elle pas, mais qui sait? Si vous avez une chance de pouvoir la récupérer, cela pourrait changer la vie de votre ami, alors pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Et ça, c'est ce que nous, on a entendu avec Efflux, et ce qui Exactement. Nous a fait venir là. Les contacts de justiciennes vous ont appris qu'il y avait un homme qui, a priori, D'accord. se vantait de posséder une prothèse mécanique. Bah du coup, pendant le repas, j'écoute, Mokoche... est-ce que tu aurais entendu parler d'un gars qui s'appellerait le collectionneur? Ouf. C'est pas très original comme surnom. On devait en avoir plein. Bah, écoute, c'est le nom qu'on nous a donné. Ce serait un mec qui garde des objets de l'ancien temps, si tu préfères, qui pourraient être qui pourraient être utiles, et notamment un qui me serait plus qu'utile, puisque comme tu peux le voir, et là je soulève mon bras, en gros c'est un bras de mannequin quoi. Non, tu vois, je peux pas trop en faire grand chose dessus là. Et il est dit qu'il posséderait un bras, mais qui lui peut bouger, que ce soit au niveau du coude et de la main. Je sais pas, je crois pas en avoir déjà entendu parler. J'ai jamais trop traîné du côté des mécanos. Et tu sais pas qui c'est qu'on pourrait voir pour ça? Qui c'est qui pourrait nous renseigner? Ouais, je pense qu'on peut se trouver ça de toute manière. Un gars qui a ce genre d'objet, si c'est vraiment ce qu'il a, ça doit se raconter, oui, dans le coin. Ok. Bon, sinon, qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant ces 6 mois? On va pas me dire que t'es resté assis dans une chaise pendant 6 mois. Non, j'ai eu droit à quelques petites promenades, à quelques interrogatoires, à ce genre de choses. Ils en pensent quoi, du coup, vis-à-vis des événements? Ils en pensent surtout qu'ils ont aucune idée de ce qui s'est passé et qu'ils essaient juste de trouver un coupable. C'est... Ouais, enfin, le coupable, on sait tous qui c'est. Et il est déjà plus là. Ça fait belle lurette qu'il est parti. Ouais, mais ça leur suffit pas, a priori. Écoute, ma foi, si c'est pas assez suffisant pour eux, je sais pas ce qu'il leur faut. Enfin. Et ils vont te laisser sortir à un moment donné, ou ils vont te garder comme ça longtemps? Vous savez qu'a priori, là, d'après ce que vous a dit le commissaire Prael, en effet, la sortie actuelle est définitive. Au bout de plusieurs mois, ils ont croisé le plus de données qu'ils avaient, et ils en sont arrivés à la conclusion que leur enquête ne pouvait plus avancer complètement. Et finalement, c'est plus le fait qu'ils n'aient pas trouvé de solution, ou en tout cas de réponse, qui les a avantagés ou les intéressés, qui fait qu'ils les poursuivaient, plutôt que un véritable manque de conclusion. C'est juste qu'ils auraient aimé pouvoir trouver une autre solution qui les intéressait plus que d'avouer leurs erreurs. D'ailleurs, à ce moment-là, dans l'auberge, vous voyez un jeune damatiste arriver. Un très jeune. C'est un ravi, le rang le plus bas du culte. Il arrive vers Mokosh en portant plusieurs effets personnels. C'est vous, Mokosh? Oui, toi, c'est qui? On m'a demandé de vous apporter ça. Tu vois qu'il dépose sur la table plusieurs affaires, notamment l'espadon, le grand espadon de Mokosh qu'il pose sur la table. Quelques autres affaires, pas beaucoup. Des lunettes. Et on m'a aussi dit de vous dire que Abby vous attendait à l'extérieur. Ok, merci. À ce moment-là, il baisse la tête, il vous salue et il s'en va. Quoi? Qui c'est qui t'attend à l'extérieur? Bah, je vais me lever immédiatement, tout simplement, et je vais leur faire signe de me suivre s'ils veulent bien, s'ils le veulent. Moi, quand je te lève et vous commencez à la suivre. Je prends mes affaires avec moi, bien entendu. Ouais, bien sûr. C'est là, mais... Moi, je suis sceptique. J'ai entendu quelque chose qui... C'est pas normal. Il me semble avoir entendu, Abby, mais... Je suis pas sûr, mais... Abby est morte, c'est pas possible. C'est pourtant, ça. Pourtant, alors que vous sortez, juste à côté du grandiloquent, vous trouvez Abby. Une superbe structure de métal, de roues, un guidon. Oh, t'as osé, sérieux. Elle est là. Vous voyez qu'elle a été retapée, c'était un vieil appareil qui a sans doute été réparé par quelques ferrailleurs. Une commande de Mokosh, avec ce qu'elle a pu obtenir lors de ses dernières missions. T'as rien trouvé d'autre que ça pour te rappeler d'Abby? Ouais, bah si t'avais pas brûlé un village, j'aurais pas eu à le faire. Ah, remets pas ça sur la table. On devait le faire. C'était ça où plein de gens allaient mourir. Et puis, Torik, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de remettre ça sur la table, quoi, des deux côtés. je sais, mais écoute, c'est plus fort que moi, voilà. J'ai plus rien. Ah, bref. Ouais. Bon, vous voulez qu'on cherche votre mécano là? Ouais, le Votre collectionneur, récupérateur? ouais. Collectionneur, ouais. On connaît son vrai nom, hein. Ça peut aider à chercher. Sven Miller. Oui, je sais. J'imagine qu'on peut se mettre en route, peut-être. Peut-être Enquête. en demandant même directement au barman du Grandiloquent, ça peut se faire. Les gens, ça discute dans les bars. Bien sûr. Puis il est du coin, de toute manière. Tu viens lui poser la question? Tu vois que le barman, c'est un vétéran anabaptiste. Il arbore quelques vieilles cicatrices de guerre. Sur le village, sur son visage balafré. Il est là posé au comptoir et il donne des ordres un peu à droite à gauche à ses employés. Ça semble être un homme assez pressé. Le bar est super bien situé dans la plus grande ville anabaptiste de la Borca, donc. Forcément, les gens accourent un petit peu. Mais si tu lui adresses une question en vue de ton rang, il te répond assez rapidement. En effet, il connaît exactement où se trouve l'homme que tu cherches, juste à l'entrée de la ville, devant la porte. Donc la porte qui, pour rappel, donne à un accès souterrain. C'est pas directement une porte donnant sur l'extérieur. Ah bah mince. Deux génies comme vous deux et vous l'avez raté alors qu'il était à l'entrée. Écoute, déjà, on venait pas. Enfin, on venait pour ça, mais la première des raisons, c'était pour te voir, quand même. Après, Non, t'as on a pas dit raté. que. Voilà, c'est secondaire. Ouais, c'était mon secondaire quand 6 mois vous n'êtes pas passé. Bon, on se met en route. Écoute, on avait du boulot. Tu pouvais pas rester à côté de ta porte, quand même. Bon, bah allons-y. Donc on y va, on marche. Vous traversez les quartiers de la ville. Là, vous étiez dans le plus haut quartier. Vous allez passer par des quartiers un petit peu moins fréquentés. Vous voyez d'ailleurs certaines choses assez intéressantes. Par exemple, le fait que les anabaptistes font énormément pousser de choses. Il y a beaucoup de jardins à la cathédrale. Souvent, ils les protègent de la poussière et des tempêtes en accrochant des voiles un petit peu partout. Sur les trois quarts des angles que vous propose la ville, vous apercevez de grands monuments, des églises, des piliers, et ce genre de choses, pour finalement arriver jusqu'en bas. Au niveau de l'entrée, vous apercevez en effet plusieurs bâtiments commerciaux, et notamment un sur lequel est écrit Prêteur sur gage. Bah écoute, on peut rentrer dans celui du prêteur sur gage. Vous passez la porte et vous arrivez au sein d'une petite pièce. Ça semble être une petite maison sur trois étages. Vous voyez un accès donnant à un sous-sol, un autre accès donnant lui à un étage. Et au rez-de-chaussée, vous avez une espèce de grand promontoire, de quoi poser de grands objets bien lourds et bien imposants, ainsi qu'un homme juste derrière, en train de discuter avec quelques clients et qui vous fait signe de patienter. Lorsqu'il en a fini, vous voyez les clients qui venaient d'arriver. Déposer deux trois affaires sur le grand promontoire, il les échange et leur donne quelques lettres de change en retour. Juste après ça, il va les déposer et retourne dans votre direction. Oui, bonjour. Bonjour, écoutez, nous recherchons une personne que l'on surnomme le collectionneur. Ah, eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. C'est moi-même, je me présente. Sven Miller, dit le collectionneur. Si vous avez quelque chose à me vendre, je le prendrai avec grand plaisir. Pour le coup, ce serait plutôt quelque chose à vous acheter. Ah, je fais pas vraiment dans l'achat, mais dites toujours, on sait jamais. C'est ce qu'il vous faut. Eh bien, je... Une information. Je lui montre mon bras. Et je dis, voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'en ai un en moins. Et celui que j'ai en remplaçant est pas très fonctionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai cru comprendre, j'ai ouï dire que vous seriez en possession d'un artefact assez ancien qui a la possibilité, enfin un bras assez amovible, enfin pas amovible, mais je veux dire, qui bouge plutôt bien. Un bras articulé. Je vois, eh bien, on vous a bien renseigné, je suis bel et bien en possession de cet objet, bravo. Malheureusement, c'est non. Écoutez, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose, un moyen de s'arranger, que peut-être vous auriez besoin de quelque chose en échange de ce bras? Désolé, mais je refuse. Je n'ai besoin de rien, voyez-vous, je mène une vie bien tranquille. Même plutôt luxueuse. J'ai tout ce qu'il me faut à ma disposition. Les clients à court, ce n'est pas ça qui manque. Même en échange de... J'ai fait partie de ma collection personnelle, alors je refuse de m'en séparer. Même en échange d'une source de provisions pour votre collection. Même en échange. Soit. Il y a plein de choses que je pourrais vous échanger, mais ça, je le garde pour moi. Alors, soit-il au moins possible de voir cet objet? Au moins, je veux dire, tout collectionneur aime à montrer sa collection, faire partager, même si vous n'êtes pas prêt à le vendre, au moins que je puisse l'observer. De loin, alors. Soit. J'accepte de vous montrer l'objet pour 20 lettres de change. Écoutez, j'ai pas besoin. Allez-y. Je sors 20 lettres de change et je paye. Ok. Soit. Merci, Flux. Ne bougez pas. Vous voyez partir en direction du sous-sol. Soulever une espèce de trappe qu'il a précédemment ouvert avec une clé. Descendre à une espèce d'échelle. Quelques instants plus tard, vous le voyez revenir avec en effet un superbe bras mécanique, comprenant l'avant-bras et le bras. Vous voyez qu'il est fait dans un espèce de métal ou d'acier noir. Dessus, vous pouvez d'ailleurs lire l'inscription BS-Corp. Vous voyez que les doigts semblent articulés, mais l'engin évidemment ne fonctionne pas. Il le tient ainsi dans ses bras et vous le montre, tout en gardant quelques distances. Vous voyez que là où il était collé au promontoire tout à l'heure, cette fois-ci, il est à 1 ou 2 mètres en arrière. Sans doute de peur que vous lui voliez. Et il jette des petits coups d'œil inlassablement entre vous trois, passant de l'un à l'autre, pour revenir jusqu'au premier, et ainsi de suite. Voilà à quoi ressemble l'objet que vous cherchez. Pourriez-vous me dire comment vous avez fait l'acquisition de ce bras ? Bien sûr, pour 100 lettres de change, je pourrais vous dire qui me l'a amené. Écoutez, cet objet est quasiment unique au monde, alors si jamais je vous aide à vous en procurer un, et, vous comprenez qu'il perdra de la valeur, alors il faudra que je puisse... Bah, vous me dites qu'il est unique au monde, donc a priori il n'y en a qu'un seul. Quasiment unique au monde pour l'instant. Pour 100 lettres de change, je pourrais vous mettre sur les traces de quelqu'un qui saura sans doute où en trouver d'autres. Ça, je vous l'assure. Écoutez. Est-ce que quelqu'un dans votre famille serait atteint d'une maladie quelconque que je puisse peut-être le soigner? Non, évidemment. Oui, mais je n'en ai que faire, voyez-vous. Vous comprenez que sans lettre de change, c'est leur assez... détresse m'aide à me faire bien valoir auprès de mes pères, donc cela ne pose pas plus de problèmes que cela. Ok. Écoutez, malheureusement, je n'ai pas ces lettres de change. Je suis pas prêt à vous donner cette somme. Peut-être 50. Donnez. Pour 50. 60 et votre bras. Ah non. J'en ai besoin, vous voyez. C'est... Je peux pas me débarrasser de mon bras. Surtout que... Vous aurez bientôt un nouveau. Alors déjà, non, parce que quand vous me dites que vous me demandez 100 lettres de change, ne serait-ce que pour avoir une information, je n'ose imaginer le prix de ce bras si vous vouliez le vendre. Ah, dites-moi d'ailleurs, si vous ne le vendrez pas, mais combien vous l'auriez vendu si c'était le cas? Cet objet est inestimable, mais j'imagine que, en fonction de l'état, il peut valoir entre 2000 et 5000. Oui, mais je suis loin d'avoir cette somme, malheureusement. Je vous donne 60, mais je garde mon bras. Je n'irai pas en dessous. 60 et vous m'apportez votre bras lorsque vous avez trouvé le nouveau. Si vous voulez. Marché conclu, vous payez d'avance. Je lui donne des 60. Okay. Par contre, avant de lâcher les trucs, votre information... j'espère qu'elle sera une bonne information. Si j'apprends que derrière vous m'avez juste envoyé au petit bonhomme du coin, vous aurez de mes nouvelles. Bien sûr. Ouais. Il prend les 60 lettres de change. L'homme que vous cherchez s'appelle Muso. C'est un ferrailleur, un habitué... du grandiloquent. D'accord. Parfait. Eh bien, merci. Je vais de ce pas essayer de tomber sur cette personne pour voir si à cette saison, il ne sera pas en Borca, donc je veux dire, il ne sera pas sur les terres extérieures, donc vous pourrez le trouver sans doute en début de soirée, sans trop de problèmes. D'accord. Je vous remercie. Et je vous souhaite une agréable journée. Et effectivement, c'est une très belle pièce. J'espère pouvoir en trouver une de cette qualité. À ce moment-là, il attend que vous sortiez. Vous voyez tourner le petit panneau ouvert en fermé. Puis, vite fait, sa silhouette se diriger en direction du sous-sol à nouveau, avec le bras. D'accord. Bon ben. Vous retrouvez à nouveau du coup à l'extérieur, dans la ville, entre les arches et les piliers. Bon ben mes amis, je pense que je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de de pouvoir récupérer ce bras. Malheureusement, ça s'avère plus compliqué. Qu'est-ce que... Pardon ? Fallait s'y attendre un peu quand même. Après, je me suis dit peut-être qu'il serait vendeur, mais qu'il demanderait en échange peut-être de faire quelque chose pour lui. Mais malheureusement, non. Écoutez, on pourra pas aller voir l'homme qui nous a... D'ailleurs, il s'appelle comment? Parce que j'ai pas... Muso. Alors, il s'appelle Muso, ouais. Donc, on pourra pas aller voir Muso avant ce soir. Donc, je sais pas ce que vous comptez faire avant ça. Bah, à vrai dire, nous, on a récupéré Mokosh. Donc, de mon côté, je n'ai rien à faire. Je sais pas si Mokosh a quelque chose à faire. Non, ça fait 6 mois que je suis en prison. Je pense pas qu'il y a des gens qui m'attendent quelque part. J'ai pas de rendez-vous prévu. Eh ben, on peut passer l'après-midi à... au grandiloquent et attendre la venue de Muso. Oui. Pourquoi pas. À peine retrouvé, vous passez donc l'après-midi à boire au grandiloquent. Avec modération, j'imagine, quand même. Oui. Et moi, je surveille mes verres à chaque fois que je bois. Je vous facturerai chacun 4 lettres de change pour l'intégralité des verres que vous allez consommer. C'est-à-dire pas beaucoup, en soi. Ok. Autour de vous, vous constatez que la population de la ville est en grande majorité constituée d'anabaptistes. Normal. De temps en temps, vous croisez un ou deux juges qui patrouillent. Mais vous savez que Cathédrale, même si elle est entourée par le protectorat, n'en fait pas partie à proprement parler. Donc les juges n'ont pas énormément d'autorité ici. Vous croisez aussi beaucoup de clanistes qui sont là parce qu'ils aiment bien la compagnie des anabaptistes et que il s'agit généralement de leur culte préféré. Après eux, évidemment. Les ferrailleurs aussi ont l'air de faire quelques tours. Vous en croisez quelques-uns en ville. Leur aide est souvent appréciée. Et les ascètes ont souvent besoin d'aide lorsque les aqueducs vont se mettre à fuir ou qu'il y aura le moindre problème. Quelques ingénieurs ne font pas de mal et les ferrailleurs ont pour habitude de s'y connaître. Excuse-moi, mais pour être sûr, hein, Cathédrale, c'est bien la ville que les anabaptistes nous ont volée sauvagement. Alors tu sais que c'était il y a très longtemps. Oui, bien sûr, je veux pas dire la veille, mais... Mais en effet, Cathédrale, Flux... ne manquera pas de le rappeler une fois ou deux, appartenait originellement aux chroniqueurs. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je voulais être sûr. Les anabaptistes ont suivi le lit du Rhin, persuadés qu'il s'agissait là d'une rivière sacrée. Et lorsqu'ils ont vu que la ville était occupée, ont décidé de frapper comme ils le pouvaient. En effet, dans le lit du Rhin, vous avez l'habitude de croiser quelques pousses, notamment du blé, qui, pour une raison inconnue, arrive à prendre racine. À l'intérieur, ce qui lui a donné une espèce d'aura un petit peu sacrée, en tout cas pour le culte. D'ailleurs, vous ne croisez pas non plus d'apocalyptique au grandiloquent. Et évidemment, pas un Géamétane à l'horizon, mais est-il nécessaire de le préciser ? Le culte étant ennemi des anabaptistes, ils n'ont pas grand-chose à faire ici. Toutefois, à l'intérieur du grandiloquent, pour vous occuper l'après-midi, potentiellement, vous voyez un helvétique en armure et son casque est posé à côté de lui et il s'amuse à défier qui va et qui vient en bras de fer. Si l'un d'entre vous souhaite se faire tenter, qu'il y aille. Avec mon bras en plastique. Yeah. Non, je n'irai pas le défier. Je n'y vois pas d'intérêt. Moi, j'y vois beaucoup d'intérêt, il faut que je vérifie si je suis rouillé ou pas. Ok. De ton côté, Flux, par contre, même si tu n'es pas forcément doué physiquement, tu vois certaines personnes prendre discrètement quelques paris. Ils sont là, coudés au comptoir, et posent quelques lettres de change sur la table. N'importe qui n'y verrait pas forcément une action là, mais toi, tu sais ce qui se passe. Et si tu veux, tu peux tenter de pronostiquer une potentielle victoire du côté soit de Mokosh, soit de l'Helvétique, si tu souhaitais les observer avec un petit peu plus d'attention. Alors, là maintenant, j'y vois de l'intérêt. Et du coup, je vais effectivement m'immiscer un peu dans les rangs pour essayer de... moi, je vais parier pour Mokosh, mais je vais essayer de faire en sorte que plus de personnes possibles parient contre elle, hein, pour avoir le plus de mise possible à la fin. Très bien. Que les cotes soient en faveur de l'Helvétique. Exactement. Je vais donc te demander un petit jet de charisme suivi de alors négociation. Pas de soucis. Alors... Afin d'inciter les gens à jouer contre Mokosh. Très bien. Donc charisme négociation. Hop. Et nous on voit pas tout ça forcément. Il y a que lui qui voit ça. En effet, non, vous... Ah bah c'est bien ça. 3 réussites de déclencheur. Ouais. En effet, tu vois, 3 réussites de déclencheur, c'est une très jolie réussite. Tu vois que 3 hommes sur les 3 votent contre Mokosh. Le premier va jouer 20 lettres de change, le deuxième va en jouer 10 et le dernier va en jouer 30. De ton côté, tu places donc 60 lettres de change sur la table. Tu enchéris finalement donc, j'imagine, dans ton intérêt. Exactement. Mokosh, tu t'approches du caporal et tu le vois sourire et légèrement rigoler lorsqu'il t'aperçoit. Qu'est-ce qu'il fait rire ? Non, vas-y, assis-toi. T'as du cran, c'est tout, gamine. Tu vois, en effet, il est assez âgé. D'où l'appellation qui se permet de te donner. Je précise aussi l'armure qui normalement porte autour du bras, il l'a décrochée... au niveau du bras qu'il utilise, justement. Oui, je me doute bien. Sinon... Il est bras nus. Ça déséquilibrerait un petit peu le jeu. Bah, je vais m'installer, tout simplement. Très bien. Moi, j'arbore toujours un sourire en coin, genre... Mokosh, tu n'as pas changé. T'as ton petit sourire en coin. Tu en regardes en effet l'homme... avec son harnais un petit peu démonté. Poser le bras et agripper celui de Mokosh. En tout cas, agripper sa main. Eh bien, Mokosh, je vais te demander un jet de body force. 5 réussites dans 2 déclencheurs. Ok. De mon côté, j'en suis à 3 réussites. 4 réussites, pardon, dont un déclencheur. Vu que j'ai dit que les déclencheurs ici comptaient double, ça permet de leur donner un petit peu d'intérêt. Ça te fait de ton côté 7 et de son côté 5. Vous voyez donc les bras s'agripper. La tension monte, vous les voyez en effet aller un petit peu à droite, à gauche. Mais en effet, Mokosh, comme elle a pu l'indiquer tout à l'heure, lorsqu'elle était captive, en tout cas entre gros guillemets, parce qu'elle ne l'était pas officiellement, elle a soulevé des cailloux, en effet elle était en manque d'action. Et finalement, il n'y a même pas vraiment de suspense, vous voyez le bras de l'homme commencer à descendre. Toi, de ton côté, Flux, tu vois l'un des gars avec qui t'avais parié qui dit « Non, mais il fait ça à chaque fois pour revenir en force à la fin, t'en fais pas. » Je te crois. Et puis d'un seul coup, son bras se colle contre la table. Vous voyez son verre même légèrement sautiller sur place et quelques gouttes tomber par terre. Et moi, je souris. Hein. Je suis presque en train de rire, mais... Un peu. C'est vrai que c'est assez classique pour un bar, ce genre de... d'amusement, mais ça faisait longtemps que vous n'avez pas pu vivre ça ensemble. Et mine de rien, ça t'avait manqué un petit peu. Moi, je ramasse très rapidement l'argent. Toi, tu récupères tes 60 lettres de change. Mokosh, est-ce que tu adresses un quelconque mot à ton adversaire? Je vais simplement lui dire bien joué, papy. Tu vois qu'il commence à grommeler. T'entends rapidement, hein, 15 ans que je suis dans l'armée, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler, voilà. Et je suis toi. Bon, finalement, c'était plutôt rigolo. Vient le moment où, dans la soirée, un groupe de ferrailleurs vient et s'installe. En les entendant discuter, vous entendez en effet l'un d'entre eux appeler un autre Museau. Vous en déduisez qu'il s'agit là donc de l'homme à qui vous devez vous adresser. Du coup, je m'approche ouais. Tranquillement, hein, tu sais, genre, pas en furie, mais genre tranquillement de Museau. Bonjour, Museau, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Tu vois, c'est un petit gars avec un visage très fin, un nez un peu en étrange, un nez assez long. Je viens mal coiffé, avec une grosse verrue. Il a pas l'air très agréable comme mec. Et tu trouves qu'ils sont pas très bons non plus. Je viens de la part du collectionneur. Ça vous dit quelque chose, j'imagine. Ouais. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais aller vous voir. Parce que vous étiez celui qui arrivait à dénicher les meilleures choses. Ouais, je vois ce que tu veux. Tu vois qu'il sort de sa poche quelques bourgeons de brûlure et qu'il les pose sur la table. Je savais pas que vous en preniez. Non. Combien? Vous méprenez. Combien? Ah. Mokosh, arrête. Pas maintenant. D'accord. S'il te plaît. Vous méprenez. Je suis hospitalier. Je vois qu'il commence à avoir une espèce de sueur qui lui coule le long du visage, comme s'il se disait qu'après un bout de verre, il venait de faire une connerie qui pourrait sans doute être la dernière de sa vie. Écoutez, je ferai. Je vais fermer les yeux pour cette fois-ci. Parce que je vais être franc et honnête avec vous. J'ai besoin de vos services. J'aurais besoin de savoir si vous seriez capable de trouver ou de retrouver le même bras que vous avez, le bras mécanique que vous avez vendu au collectionneur. Ah, il s'agit de ça alors. Ouais, je pourrais le retrouver. Je vois d'où est-ce qu'il vient exactement. Ok, ben. Pourquoi vous en avez besoin? Eh ben, je lève le bras. Je pense que ça se voit. Hospitalier avec un bras en moins, c'est. On va dire c'est que. Qualitative les prothèses hospitales, à ce que je vois. Ah non, malheureusement, il n'avait que ça sous la main et ce genre de prothèses sont plutôt difficiles à trouver, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bon, écoute mon gars, demain matin je m'en vais et les ruines où j'ai pu dénicher ce truc, elles sont sur mon chemin. Alors si tu veux, on se retrouve et t'auras qu'à me suivre, je te montrerai où c'est. Compte pas pour moi pour suivre à l'intérieur, mais je peux te montrer l'entrée. C'est une espèce de vieille usine qui s'est écroulée. Pendant longtemps, on a cru que c'était rien d'intéressant, et puis un jour, on a déniché un passage parmi les décombres. Et c'est là qu'on a compris de quoi il s'agissait. Ça s'appelle Be Strong Corporation, quelque chose comme ça. Ok. Mais entre toi et moi, si jamais tu le veux, ce bras, t'emmerde pas à aller jusque là-bas. Range chez le vieux. Écoute. Je suis un hospitalier, je ne peux pas me permettre... Lui piquer, tu t'en vas, personne n'en saura rien. Disons que ce personne n'est pas trop... Personne connaît ton nom ici, je t'ai jamais vu. Oui, mais ne serait-ce que maintenant que tu me donnes cette idée, si demain il venait à disparaître, tu sais très bien que... Ouais, mais moi demain je serai plus là. Mais bon, si jamais tu veux me suivre, il n'y a pas de souci. D'accord. Je dis juste que si j'étais à ta place, je me ferais pas chier. Je veux dire, c'est même pas dit qu'il y en a encore un seul intact là-bas. Mais parce que peut-être... la première fois qu'on a fouillé, on a trouvé que ça. Écoute, on verra. Je vais déjà en discuter avec mes camarades, s'ils ont envie de tenter l'aventure. Sinon, on avisera. Ok, moi je vais me prendre à boire. Dites-moi. Si jamais t'es chaud, on se retrouve demain. C'est dangereux. Là-bas, non. Y'a rien d'autre que. À part un éboulement, tu risques pas grand-chose. Ok. C'est un coin complètement abandonné. Là-dessus, vous voyez qu'il se lève et qu'il se dirige au niveau du comptoir. Où il va reparler aux vétérans de tout à l'heure. Et qui. Juste commence. Ok. Du coup, je me retourne vers Mokosh, je fais... est-ce que ça te tente? Qu'est-ce qui me tente? Parce qu'il y a deux options qu'on t'a proposées. Alors, est-ce que ça te tente d'aller te dégourdir les jambes dans un endroit peut-être un peu dangereux, on va dire, si on dit qu'il peut s'ébouler à tout moment? S'effondrer à tout moment, pardon, et ou alors tu préfères autre chose. D'après ce qu'il a dit, il n'y a pas trop de danger, mis à part si ça s'éboule. Donc je pense que ça peut se faire. Puis ça va te dégourdir les jambes. C'est pas comme si t'étais resté longtemps dans une pièce. Puis pour efflux. Je sais à quel point il aime les reliques et les artefacts anciens, et de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être quelque chose d'assez vieux, quelque chose de l'ancien temps, quoi. Moi, je suis déjà convaincu, ne t'inquiète pas. Eh bien, écoutez, ma foi, on le rejoindra quand il ira, et puis on essaiera de trouver ce bras. Qui on sait, peut on... pas lui faire accélérer. Oui. On peut pas lui faire accélérer la cadence pour qu'il y aille rapidement. Bah écoute, on peut toujours essayer de le convaincre. Ouais, parce que c'est pas pour vous embêter, mais j'ai passé assez de temps dans cette ville-là, j'ai bien envie de bouger un peu. Tout le monde est pas content que je sois libéré non plus. Je vais au comptoir pour voir le museau. Encore je tape, je... Oui, excuse-moi. A priori, mes camarades sont assez motivés pour le faire, pour aller avec toi. Est-ce que tu penses que ce serait possible de partir au plus vite? En négociant? Essayer de le convaincre? Fais-moi un petit jet en effet de négociation. Alors j'ai deux réussites, un déclencheur. Pour 20 lettres de change, on part dans la minute. Je pense que Flux... je viens de gagner grâce à Mokosh, donc autant que ça serve au groupe. À ce moment-là, Flux arrive, il pose les 20 lettres de change sur le comptoir. Je le fais en regardant surtout Tori, en mode, bon, ça fait quand même 40 là. Et ben on y va. Moi je lui fais. Et instantanément, il récupère juste sa bière. Il s'avance en direction de la sortie, en vous laissant le suivre, sans même se retourner. Bon, on y va, c'est parti. Ouais. Vous entendez, vous, au moment pardon, où vous partez, vous semblez rapidement entendre, vraiment au moment où claquez la porte, le gars de tout à l'heure, du bras de fer, l'helvétique, murmurer un. Ouais, c'est ça, bon vent. C'est pas grave. T'sais, je prends un Mokosh avec mon bras valide autour du cou de ces gens et je fais allez, on y va pour pas qu'elle retourne à l'intérieur au cas où. D'ailleurs, Mokosh, lorsque tu ressors, tu remarques que sur le côté se trouve toujours Abby, qui d'ailleurs se trouve actuellement sous un drap pour éviter d'attirer trop la curiosité. Mais il l'empêche qu'elle est quand même un peu à la vue de tous. Ouais, il va falloir que je me trouve. Un garage, c'est pas trop loin, non, d'après ce qu'il a dit. Là où on va pas. Il y a quand même un petit peu de marche aussi, un petit peu. Mais oui, en effet, ça reste à moins d'une journée de marche. Ouais, ça sert à rien. Faudrait que je me trouve un garage. Ça existe ce genre de service ici? Alors, un garage, non, mais tu peux trouver une écurie. Les gens déposent des chevaux, alors pourquoi pas des. Très bien, j'ai une écurie. Au niveau de l'écurie, en effet. Tu croises un petit gars, tu vois qu'il te demande même pas de payer pour la récupérer. Le simple fait de devoir surveiller une moto en plus des chevaux semble lui mettre des paillettes dans les yeux. Et dans tous les cas, il y a un système de clés, tu les possèdes et tu sais que personne d'autre pourra l'emprunter à part toi. Ok, très bien. Donc le seul truc que tu risques éventuellement, c'est qu'on te la démonte. Après, on est quand même dans le siège des Anabaptistes, t'as pas des ferrailleurs qui traînent à tous les coins de rue, en tout cas pas les ferrailleurs un peu véreux. Ouais. Et puis bah, finalement, elle est sous surveillance. Bon, bah, occupez-vous-en bien et donnez-lui le meilleur foin que vous avez. Tu vois qu'il acquiesce et là-dessus vous repartez. Vous vous mettez en route et vous retraversez les terres désolées. Vous allez longer pendant quelque temps le lit du Rhin à nouveau. Vous zigzaguez entre les cadavres de bateaux qui sortent de la terre. Vous croisez aussi de temps en temps quelques petits jalons. En effet, c'est vrai que vous ne trouvez actuellement pas vraiment au sein du protectorat. Mais il constitue comme une barrière autour d'eux. Si jamais vous avez du mal à vous représenter les choses, je peux vous inviter à aller sur la carte que je vous ai partagée dans... le channel dédié. Vous vous trouvez actuellement à la cathédrale. Vous dirigez donc au niveau du sud-est et vous allez marcher pendant plusieurs heures. De quoi est-ce que vous discutez durant le trajet d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez aborder? Alors, moi, juste rapidement, mais j'aimerais donner... une quinzaine de lettres de change à Mokosh en disant que bah voilà, vu que c'est grâce à elle que j'ai pu rentabiliser un peu mon pari. Que c'était normal, c'était son dû. Ben, je le remercie et je prends la lettre de change. Très bien. Est-ce que tu veux Mokosh que je les ajoute à ta fiche ou tu le fais toi-même? Je sais pas si tu l'as sous les yeux, c'est bon. Ouais, je l'ai sous les yeux. C'était 15 qui m'a donné, c'est ça? Exactement, donc tu passes à 115 et puis ensuite tu fais save. Ah, ok, bah, très bien, c'est fait. Parfait. Alors, vous avez ce petit échange de données. Toi, tu vois, Torik, il est quand même un petit peu curieux, le ferrier. Et comment tu l'as perdu, ton bras? C'est une longue histoire. Non, on a le temps devant nous. Ouais. Plus longue histoire. J'ai croisé la route... d'un de, d'une de d'une genre de créature qu'il vaut mieux pas croiser, on va dire. Et dans le combat, malheureusement, j'ai perdu mon bras. D'accord. J'espère que c'était loin d'ici et que lorsque vous avez combattu ne rôde pas dans les parages. J'espère aussi. J'espère pour nous. Je le vois à nouveau avec une espèce de petite goutte de sueur, sans doute due à la chaleur, mais qui coule le long de son visage au bon moment pour donner l'impression que tes paroles lui glacent le sang et puis il presse un petit peu le pas. On devrait pas tarder à arriver. C'est parfait. En effet, au bout d'un moment, vous commencez à distinguer une petite silhouette au loin. Malheureusement, la poussière qui s'élève fait que vous avez comme une espèce de filtre qui vous empêche de bien distinguer les objets à l'horizon. Mais en vous rapprochant, vous arrivez en effet à voir des espèces de ruines, de bâtiments. Quelque chose qui fait très usine. Vous avez l'impression d'avoir un peu le cadavre d'un parking qui traîne. Avec quelques arbres qui ont poussé pour une raison assez inconnue en plein milieu. Vous avez aussi quelques carrosses de voitures complètement désossées depuis le temps. Vous savez que ça doit faire environ plus de 500 ans qu'elles sont là. Donc autant dire que l'acier, en tout cas le métal, sont en piteux état. Et vous avez également quelques ruines de bâtiments. Mais le bâtiment a l'air plutôt petit en réalité. Seulement, lorsque Museau se met à genoux au niveau de l'un des murs, il vous montre une espèce de petite faille dans la pierre. Alors vous vous approchez, il vous invite à regarder, et vous réalisez en fait que le bâtiment devant lequel vous vous trouvez n'est pas un petit bâtiment comme vous le pensiez, mais réellement un grand bâtiment enseveli sous la terre. Ce qui de loin fait qu'on aurait presque l'impression d'avoir juste une maison avec le dernier étage apparent. Mais à vue d'œil, à travers le trou, vous avez l'impression qu'il s'agit de quelque chose de bien plus grand que ça. Okay. Peut-être 8 voire 9 mètres. Il y a pas mal de failles comme ça qui sont ouvertes avec le temps. C'est comme ça qu'on a pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Celle-là elle a dû se reboucher depuis la dernière fois que je suis venu. Donc soit on en cherche une autre, soit vous m'aidez à la déblayer, et puis je vous laisse passer à l'intérieur. Écoute, s'il n'y a pas trop à faire, on peut toujours t'aider à déblayer. Ok. Eh ben allons-y alors. Il pose son sac et il sort des espèces de petites pelles. C'est pas des grandes pelles, c'est simplement une pelle qu'on va tenir avec une main. Et avec ça, il commence à gratter la terre. Il vous en passe quelques-unes aussi. Bon bah, avec une main, je peux. Et pendant que je creuse, moi je lui demande, et une faille comme ça, ça peut se remplir en combien de temps? Comment ça, ça peut se remplir Enfin, se boucher comme celle-ci. Oh, ça prend du temps, ça prend du temps, vous en faites pas. Écoutez, si jamais vous avez peur, chroniqueur, vous et moi pouvons faire affaire. Ces petits objets que je vous donne là, j'en ai trouvé plusieurs il n'y a pas si longtemps que ça, et vous voyez bien que, à moi seul, j'en ai pas besoin d'en avoir autant. Je peux vous en vendre une ou deux. Alors, l'offre ne m'intéresse pas par peur, parce que ce n'est que de la sécurité, mais avoir un petit objet comme ça sur moi peut être pratique. Vous le vendriez à combien? Sincèrement, pour 5 lettres de change, je vous en laisse 2 ou 3. Ça vaut rien, ces trucs. Juste des bouts de fer sur des bouts de fer. Ouais, mais la ferraille est un très bon allié. Je vous les prends. Parfait. Vous voyez d'ailleurs qu'il fait des petits tours, tandis que vous creusez. Lui, pour le coup, il s'en charge pas. Pour commencer, il va inspecter le bois des arbres, comme j'ai dit, qui semblent avoir poussé au niveau du parking. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous le voyez qu'il casse une branche, regarde, et la jette par terre, presque de colère ou de dépit, en se disant de la merde, évidemment. C'est vrai que le bois, c'est relativement rare. C'est une ressource qui coûte extrêmement cher, mais celui-ci, il est pourri. Il vaut rien. Ensuite, il se dirige vers l'un des murs. Et il sort une craie. De son sac. Et vous voyez commencer à tracer une énorme trace qui représente une espèce de nez, mais très simplifié, en deux traits, comme le haut d'un triangle. Vous savez que les ferrailleurs ont l'habitude de faire ça pour signaler qu'ils sont passés. Visiblement, il avait oublié de le faire la dernière fois. Ou alors la craie est pas le meilleur outil pour faire ça et il lui faudrait vite trouver de la peinture. Au bout de quelques instants, quelques minutes tout au plus, vous arrivez finalement à déblayer un espace suffisant pour faire passer quelqu'un. Alors il se met à accrocher une corde au bout autour de l'un des rochers tombés au sol. Et il l'a fait glisser jusqu'à l'intérieur. Bon, et ben moi c'est ici que je vous abandonne. Vous nous laissez à corde ? Bon, si vous voulez. C'est très gentil de votre part. Ou alors je peux attendre ici que vous reveniez. Ou alors on vous la rend quand on revient en ville. Penseriez-vous de nous accompagner? Je vois que ça ne m'intéresse pas, je suis déjà passé par ici, comme je vous dis, je suis même pas sûr qu'il y en ait une nouvelle. C'est sûr, mais... Si vous voulez... Très bon, vous m'avez payé, vous m'avez payé bien. Je dis ça, c'est pour vous, mais... on sait jamais si elle venait à revenir, si vous étiez tout seul, vous seriez dans un sale pétrin. Fais-moi un petit jet de psyché domination, s'il te plaît. Et je vais dire la défense mentale de mon personnage. Oh putain, j'ai pas grand chose à offrir. Hein. T'en fais pas. Putain. Une réussite. J'ai 4. Ouais, j'ai qu'une réussite. Donc, j'avais que 3 dés à lancer. Donc, Vous en faites pas, cette zone-là, je la connais. Si, je sais très bien que votre bête, elle est pas dans le coin. Non, par contre, si vous voulez, je peux vous attendre là, je me fais un petit feu, et lorsque vous rentrerez, il fera sans doute nuit. Ça vous fera de la lumière, ça vous fera un guide, et puis on pourra manger. Je vais essayer d'installer un ou deux pièges. Et vous resteriez comme ça, à nous attendre, pour rien? Bon, écoutez, grâce à vous, je me suis fait 25 lettres de change en quoi? 6 heures? Donc oui, je peux me permettre de vous attendre une heure ou deux. Après, si jamais le truc c'est vous derrière vous, comptez pas sur moi pour vous attendre jusqu'à ma mort. C'est bien naturel. Écoutez, comme vous voulez. Et vous êtes sûr de pas préférer retourner en ville? Il sort des petits collets de son sac et qui commence à essayer de les installer à droite à gauche. Je suis sûr qu'il doit y avoir des rats dans les parages. Sinon, je me tourne vers les autres. Est-ce que ce qui serait pas plus sûr, peut-être que l'un d'entre nous reste à la surface si jamais il y avait un problème. Qu'en pensez-vous? Ouais, s'il faut quelqu'un qui reste, on peut laisser quelqu'un, oui, mais... Ça fait pas beaucoup en bas s'il y en a que deux en bas. C'est sûr, mais comme il nous a dit que c'était sans danger, à part un éboulement hypothétique, voilà, si éboulement il doit y avoir, il vaut mieux que quelqu'un soit à l'extérieur pour nous peut-être faire venir de l'aide, plutôt qu'on soit tous les trois coincés là-dessous. Après, ce n'est que mon avis. Je comprends bien la logique, mais je suis très intéressé de voir quand même... Quel genre de dépouille il y a là-dessous? J'essaye de discrètement dire à discrètement et faire comprendre à Mokosh que j'ai pas confiance en Muso. Mais je sais, je lui ai dit de retourner en ville, mais vous insistez pour qu'il reste. Non, mais je le dis pas ouvertement. Je le sais. Je fais des petits clins d'œil en le pointant du... Genre, voilà, j'essaie de faire jouer le... En fait, j'essaie de faire jouer le fait qu'on se connaît depuis assez longtemps pour que, quand même, depuis le temps, on arrive à se comprendre, tu vois. Les autres arrivent à comprendre que t'es pas trop à l'aise avec lui. Voilà. Ok. S'il pourrait avoir un intérêt ou autre à vous mettre un couteau dans le dos, alors peut-être pas littéralement, mais... Mais disons que son attitude, depuis qu'il est arrivé, me laisse perplexe, quoi. Dans ce cas-là, moi, je vais me retourner vers lui, lui dire « Bon, écoutez, cher ami, je pense qu'il faut y retourner en ville. De toute façon, notre retour là-bas est assuré, étant donné que certains objets personnels, ils y sont, donc on vous fera pas faux vent. Et nous nous débrouillerons pour revenir, on vous ramènera la corde et tout ce qu'il vous faut. » Fallait que je parte, mais oui, bon, écoutez, je me suis fait suffisamment pour aller manger bien pendant quelques jours. Et avec un peu de chance, il y aura une pie ou deux qui pourra traîner. Et puis si vous me ramenez la corde, alors... Ouais. Vous voyez la silhouette du personnage reculer et partir au loin. Puis, au bout de 2-3 pas, faire demi-tour et revenir jusqu'à vous. En fait, je préférais quand même rester là pour garder le feu. Garder le feu ? Oh. Ouais, je pense que ce serait plus... pratique. Je ne pense pas qu'on ait besoin de feu. Enfin, de le garder. C'est un élément qui sait se débrouiller tout seul. Tu vois que l'ajout de ta voix et de l'effet de ton vocodeur dessus l'impressionne quand même relativement. Et t'octroie une espèce d'autorité naturelle. Ouais, mais on sait jamais ce qui pourrait se passer, non ? Si quelqu'un venait et découpait la corde. Oh, oui. C'est une véritable bonne question, mais... si quelqu'un vient vous tuer, puis découper la corde. Tu le vois qui essaie légèrement baisser la tête, et cette fois-ci s'en aller... définitivement. Soit. Du coup, je peux parler librement avec tout le monde, puisque maintenant... maintenant, il est parti. Cher Muso, il est bien loin. Muso est parti. Écoutez, mes amis, je n'avais aucunement confiance en ce Muso, et les dernières actions qu'il a eues sur le campement me laissaient assez perplexe. Je pense qu'il serait plus avisé que l'un d'entre nous reste en haut, de toute manière. Car si jamais il revenait avec des gens ou que quelque chose nous arrivait en bas, il vaudrait mieux que quelqu'un soit présent à la surface. Vous savez quand même que le temps qu'il fasse l'aller-retour, si jamais il veut revenir avec des gens, il en aura pour un moment. De toute façon, si quelqu'un venait à passer, même si c'est pas forcément lui, au moins, voilà, on serait... Dans ce cas-là, ce qu'on peut proposer, c'est de trouver, comme il avait dit, une autre faille, hein, ce qui nous ferait une entrée secondaire, et avec cette faille, se faire une sortie de secours ou une entrée secondaire, enfin dans tous les cas, avoir un plan B. C'est pas faux. Ça nous prendra un peu plus de temps. Mais ça peut faire route secours et peut-être nous sauver la mise si des gens passent par là. C'est pas faux, j'avoue, c'est pas bête. J'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, Torik, tu peux pas t'empêcher de dire que Flux active son vocodeur pour donner de l'autorité et continue de le garder même en t'intéressant la parole. Est-il en train d'essayer de jouer d'intimidation sur toi? Je sais pas, mais bizarrement, je suis assez d'accord avec lui à chaque fois qu'il utilise cette voix. Il active le vocodeur. Je me pose des questions sur la vraie utilité de ce vocodeur. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ton raisonnement est plutôt vrai, plutôt sensé. Pourquoi pas ? Allons voir s'il n'y aurait pas une autre brèche quelque part. Vous faites un petit peu le tour. Ceux qui souhaitent trouver une nouvelle brèche, je vais vous demander de me faire un petit jet de instinct perception. Donc avec sans grande difficulté, vous arrivez en effet à trouver une autre ouverture un peu plus loin, qui semble d'ailleurs bien plus sécuritaire que la première. Eh bien, ce fut une très bonne idée, Flux. Et vous voyez qu'elle semble comme ça descendre dans les méandres du bâtiment, dans l'obscurité la plus totale. Dans ce cas-là, on récupère la corde qu'il avait posée là-bas pour la mettre ici, je suppose. Vous pourriez presque la descendre sans la corde. Avec un petit peu d'escalade, vous voyez quelques accroches assez aisées. Bah tant mieux, ça nous fera vraiment une sortie secondaire en cas de problème, donc parfait, faisons ça. Ça marche. Ok. Tu veux toujours quelqu'un qui reste éclairé. Bah non, du coup, vu qu'on a deux... Du coup, on a deux entrées, enfin une entrée et une sortie, donc là, quelque part, on peut y aller tous les trois, c'est pas gênant. Je préférais qu'on se sépare pas, donc. Ok. En effet, le seul moyen, a priori, pour l'instant, vous avez de vous éclairer et de ton côté, Torik, puisque tu possèdes maintenant une petite lumière sur ton fusil à fongicide. C'est, ce sont ces petites loupiottes qu'on installe à l'avant et qui permettent d'éclairer devant. Ah, bah peut-être de ton côté aussi, en effet, oui. Il fait de la lumière. J'ai une tenue qui s'éclaire, enfin, qui s'éclaire pas non plus comme une lampe, mais. Oui. Non, mais c'est vrai, t'as, oui, t'as raison aussi, t'as un module qui s'appelle Flash. A priori, ça fait de la lumière. C'est dire, parfait, allumons-nous. Et toi, Mokoche, tu as une moto qui s'appelle Abby. Mokoche, nous si tu l'avais eu, t'aurais pu utiliser les phares. Ouais, mais je n'en avais pas fait rentrer dans le bâtiment. Donc. Ça aurait été un peu dangereux. Mais voilà, vous Mokoche, t'es dans les méandres du bâtiment, mais malgré tout, Mokoche, t'arrives à t'éclairer avec, à l'aide de tes amis. Vous descendez donc par la corde? Bah non, du coup, tu l'as dit que sur corde, c'était faisable, donc... Tu nous as dit... Ouais, c'est sympa, ça vous descendez de l'autre côté. Ouais. Faites-moi quand même, on va être joueur, du coup, un petit jet de body athlétisme, s'il vous plaît. Avec seulement... c'est seulement un jet de difficulté devant, c'est juste pour voir s'il y en a un qui arrive à se gameler. Oh. Est-ce que tu as une tête de mort dans tes GF Lux? Non, sinon je l'aurais dit. D'accord, bon, c'est pas un échec critique. Alors... Oh merde. Putain, y a que moi qui arrive à tenir debout, les gars. Alors j'ai un échec critique. J'ai vraiment mis le G pour la forme. Je me suis dit, je vais mettre que des réussites. C'est vraiment un jeu très facile. J'ai vous commencez à descendre. Toi, ton côté Torik, t'y pars en premier. Tu t'accroches à 2-3 trucs. À 2-3 morceaux de métal, des espèces de tiges qui sortent comme ça des murs. Tu vois qu'il y a pas mal de toiles d'araignée que tu dégages de la main. Et tu fais quelques bonds. Et assez rapidement, tu arrives à aller de plateforme en plateforme pour aller jusqu'en bas. Une fois que tu arrives en bas, tu sautes et tu t'amortis un peu sur ce qui semble être presque le toit d'un genre de voiture, tu sais pas trop. Ça fait un petit jouant. Mais ça, c'est stable et tu leur fais signe, c'est bon, allez-y. Par la suite, Flux, tu te lances en deuxième. Tu commences également à t'accrocher à une espèce de tige en métal et tu prends appui sur une espèce de dalle qui sort du mur juste à côté. Mokoche, elle se lance un tout petit peu trop tôt après toi et s'accroche à la même tige. Vous commencez à essayer de vous en dégager, mais vous entendez un léger bruit, un pfff, pfff, et vous remarquez que l'objet est en réalité en train de se dégager du mur. Ni une ni deux, en quelques secondes, vous le voyez complètement se décrocher. De ton côté, Torik, Flux, tu commences à chuter et te réceptionnes tant bien que mal au niveau de ta dalle. Par contre, Mokoche, toi, tu tombes, je vais te demander de me faire un jet pour essayer de te rattraper, sinon tu subiras sans doute un petit point de dégâts. Rattrape-toi, moi. Ça va être un jet d'agilité, de mobilité. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. Au final, t'arrives à t'agripper à la jambe de Flux. Et vous êtes là, suspendu, en train de vous balancer avec la tige de métal qui est tombée par terre. Et une espèce de poussière qui s'élève un petit peu. Torik ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? C'est pas possible, ça. Vous aviez pas grand-chose à faire, il y avait juste à sauter un petit peu, et c'était facile. Comment vous êtes débrouillé, là ? À hauteur de réceptionner Mokoche ? Bah, je sais pas, est-ce que je peux réceptionner? Oui, assez rapidement, vous pouvez faire la courte échelle pour moi. Ouais, bah écoute, ouais, c'est bon, vas-y, renvoie. Mokoche, tu peux me lâcher. À ce moment-là, en fait, vous réalisez également que vous ne vous trouviez pas non plus dans l'endroit le plus profond du bâtiment. Puisque il semble être un peu en fait de 3/4. Et vous avez donc toute une zone inexplorée en fait qui vous est désormais accessible. Le bâtiment a l'air finalement plus grand, vraiment beaucoup plus grand que ce que vous pourriez croire, et vous commencez à comprendre pourquoi, avec autant d'années, personne aussi longtemps ne s'était rendu compte du bâtiment que c'était en réalité, avant que Museau n'en fasse sa découverte il y a quelques mois. Bah écoutez, allons chercher ce bras. Ok. Vous commencez à explorer les méandres du bâtiment. vous rentrez à l'intérieur de tunnels que vous éclairez avec les moyens qui sont à votre disposition. Torik, est-ce que tu te contentes de la lumière provoquée par les flux ou est-ce que tu équipes donc ton fusil à fonticine? Ce qui t'oblige à placer ton dilacérateur au niveau de ton dos. Il y a un emplacement où tu peux l'accrocher. Mais du coup, à tes mains, t'as ton fusil à fonticine. On va dire que je vais quand même me fier à ce que disait quand même Museau en disant que c'était pas dangereux, malgré, même si je n'avais pas confiance en lui. Du coup, ouais, je vais utiliser l'éclairage aussi du fusil. Très bien. C'est juste l'éclairage du fusil. Vous marchez. Au sol, vous entendez vos pieds écrasés. Des bouts de métal, de verre, de plastique. Parfois, quand vous faites un pas, vous entendez des rongeurs ou autres animaux déguerpir à quelques mètres. Vous voyez aussi que le bâtiment est orné de toiles d'araignée. Et au loin, ce qui pourrait vaguement être de vieux squelettes, mais très très très très vieux. Ok. Vous savez pas de quand il pourrait dater, mais sans doute plus de 100 ans. D'accord. Est-ce que... Ils sont là écrasés, il en manque la moitié. Est-ce que... en fait, ils ont été écrasés au moment où le bâtiment s'est effondré, ou des trucs comme ça, ils ont pas été tués par quelque chose. Je saurais pas dire du tout. Ouais. Alors, est-ce qu'il... Enfin, en fait, tu sais que le squelette, lui, n'a pas 500 ans. Mais tu sais pas quand le bâtiment s'est écroulé, donc oui. Peut-être que le bâtiment s'est écroulé il y a 200, 300... Oui. Compliqué de connaître l'histoire exacte oui, de ce bâtiment. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous guider, dans le sens où on aurait plus moyen de trouver ce bras par ici ou par là En effet, vu que une grande partie de l'intérieur des ruines... se sont éboulés. Vous n'avez pas énormément d'endroits où fouiller et vous savez qu'a priori, si un bras a été trouvé quelque part, ça doit sans doute pour l'instant sur l'unique chemin que vous empruntez. L'unique chemin que vous empruntez va bientôt se séparer en trois succursales, enfin en tout cas trois autres chemins. En fait, vous arrivez dans une espèce de grande pièce qui semble être légèrement inclinée sur le côté. Vous avez en permanence l'impression que votre axe de rotation est un peu trop surélevé. Comme si elle s'était écrasée sur une grosse pierre. Mmh. À l'intérieur, vous voyez plein de matériel. Du type de vieux outils mécaniques. Vieillis par le temps, poussiéreux au possible. Mais comme des pièces de machinerie qui se seraient effondrées. Et vous voyez ce qui semble être trois couloirs différents. Malheureusement, c'est difficile de savoir pour l'instant où est-ce qu'ils pourraient donner. D'accord. L'un d'entre eux devant vous possède une espèce de vieille inscription au-dessus, mais que vous avez du mal à lire, elle est effacée par le temps. Est-ce qu'il y a, autour de moi, un truc un peu éboulé, tu sais, comme une pierre à taper, quoi? Ouais, bien sûr, il y en a partout. Vraiment, il faut imaginer des ruines ensevelies. Ouais. Bah, du coup, j'aimerais choper un petit morceau, enfin trois du coup, et lancer en ricochet dans chacun d'entre eux le plus fort possible pour voir à peu près comment ça résonne et l'écho que ça peut avoir pour avoir une idée de la profondeur. T'ouvres la première porte. Enfin, il y en a une des trois sorties qui, où la porte est encore plus ou moins en place. Elle est en dehors des gonds, mais elle est placée là. Tu jettes la pierre et instantanément, quasiment, t'entends un « ch'toc ». Et en éclairant avec ton module, en fait, t'aperçois qu'en effet, cet endroit est complètement effondré. En fait, juste derrière, t'as quasiment des pierres. Tu t'approches au niveau du deuxième endroit. Tu récupères une petite pierre aussi. Et tu la jettes. Et t'entends plutôt un « shting ». Comme si elle était tombée sur quelque chose de métallique, loin. T'éclaires vaguement, mais t'as du mal à voir. Tu te diriges vers la troisième issue ? Oui. Ok. Tu te diriges vers celle-là. Tu prends la pierre. Tu la jettes et t'entends un « Aouh !» Y'a pas de porte sur celle-là. C'était clairement humain. Et t'entends que tu commences à entendre des bruits de pas arriver dans ta direction. Je recule en faisant signe à Tori qui a Mokosh. Des signes en... Là. Est-ce okay. que tu gardes Je sais pas s'ils ont entendu. Oui, il doit faire okay. tes signes. Ok, s'ils ont entendu, bah, je regarde un peu leur visage et s'ils ont l'air aussi. Enfin, s'ils ont l'air pas rassurés, j'éteins. Et s'ils ont l'air. Ça va en contrôle, je laisse allumer. Bah, te voir Qu'est-ce toi nous faire des grands gestes un peu désordonnés, c'est plutôt suspicieux ou il y a quelque chose qui va pas. Donc, pour ma part, je vais réagir de manière sur la défensive. Ouais, j'ai la main sur mon arme. Et je vais assez rapidement. Passer de mon fusil à mon okay. dilacérateur. Bah, du coup, la seule chose que je dirais, c'est. Pardon ? Non, vas-y, je le dirai pas. Non, je disais juste, du coup, tu éteins la lumière de ton fusil, tu le ranges derrière toi et tu ouais. équipes ton dilacérateur. Et du coup, ma seule phrase que j'échangerai avec eux, autre les signes, oui, c'est que. Je peux pas utiliser mon modulateur ici. Trop de risques, ça s'effondre. Oui, le okay. vocodeur, oui. Oui, les ondes. Le vocodeur, oui, ça peut faire d'énormes secousses, en effet. Okay. Est-ce que tu éteins tes lumières ou pas? Bah, du coup, comme ils ont l'air déjà sur la défensive, prêts à se défendre, je laisse allumer, mais je m'éloigne un peu pour bah, que ce soit eux déjà qui se défendent mieux que moi. Okay. Tu t'éloignes un petit peu. Tout ceci, en réalité, se passe en quelques secondes. Et d'un seul coup, sortant de cette espèce de couloir, de dédale, vous voyez une silhouette humaine apparaître. Crasseuse. Vous avez que quelques secondes, vous la voyez très très mal puisque Flux s'est reculé. Mais faites-moi un jet de perception. Vous avez du mal à distinguer la silhouette, elle aperçoit Flux et elle commence à se retourner et à partir en courant. Qu'est-ce que vous faites? Elle retourne dans la pièce où elle était? Elle est en train de repartir en courant. Vous avez pas vu ce qui c'était exactement. Là, je suis un peu pris de court. Non, faut pas courir. Donc, on court ou pas? Non, c'est pas la peine. Ok. Si on court, on va se perdre. Et t'as vu la gueule du bâtiment. Mais dans ce cas-là, je proposerais qu'on aille dans la. Qu'on se dirige quand même vers dans la direction où il est parti. Oui, la deuxième salle. Non, allons dans la salle d'à côté, j'ai entendu de la ferraille. Alors que tu dis ça. Il ressort avec un fusil. Alors que vous vous apprêtez à repartir, en direction de l'autre sortie, vous entendez de nouveau des bruits de pas dans votre direction, mais vous n'en entendez pas qu'une seule personne. Il y a peut-être plusieurs dizaines de personnes qui sont en train de se diriger vers vous. Vous entendez des bruits de pas dans tous les sens, avec des cris. Et vous les reconnaissez. En les écoutant, vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous savez pas comment ils sont là, ni comment est-ce qu'ils sont foutus pour arriver aussi loin. Mais il s'agit des clans du cafard. Oh putain. Vous les entendez hurler, ils sont à quelques mètres. Hurlez pas trop fort. Ils ont... Est-ce que si on venait à éteindre complètement les lumières... ils sont dans la même situation que nous. Il faut s'imaginer, là on fait une petite pause, mais il faut s'imaginer que dans 3 secondes, t'as peut-être une 25 cafards qui sont dans la même pièce que vous. Ils sont en train de courir dans votre direction, il y en a un qui s'est pris une pierre dans la gueule. Oui, mais non, là, ils sont re-rentrés dans la pièce, donc il faut le temps qu'ils ressortent quand même. Arrête de parler et suis-moi. Moi, je cours à la deuxième porte, là où il y a eu le bruit de métal. Okay. Et s'ils me suivent, tant mieux. S'ils me... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte. En fait, du coup, bah, je t'explique ce que je veux faire dans la même phrase, comme ça, moi, c'est dit. Je cours dans cette salle-là en espérant que mes amis me suivent intelligemment, et une fois qu'ils sont avec moi, je m'éteins. Totalement. Ouais, bah, je te suis. Plonger dans le noir total et se cacher dans l'enfoncement, en fait, s'éloigner le plus possible. D'accord. Ouais, bah, je fais ça, je le suis aussi. Okay. Vous partez en courant en direction de l'autre partie. Faites-moi tous un jet d'agilité, discrétion, donc stealth. Je précise juste que une fois qu'on est à l'intérieur, j'ai ramassé un caillou avec moi. Un caillou. Ok. Vous vous dirigez donc, vous courez en direction de ce couloir. Vous avez quelques secondes, vous entendez les cris derrière qui sont légèrement de plus en plus loin. Vous remarquez que s'ils sont vraiment beaucoup, en fait, ils se poussent un peu les uns contre les autres pour essayer d'arriver dans l'espèce de grande salle où vous étiez. Et vous vous cachez, vous courez, vous sentez l'adrénaline monter. Et vous arrivez dans une pièce, vous éclairez ou pas? Et j'ai dit que non, du coup, je m'éteins. Ok. Donc vous n'y voyez pas grand-chose, vos yeux s'habituent à peine à l'obscurité. Donc vous êtes là un peu à tâtons dans une pièce, vous savez pas ce qu'il y a. Vous posez les mains sur le mur, vous sentez des toiles d'araignées et des espèces de pierres humides. Lorsque vous marchez, vos pieds heurtent des tas de morceaux de métal qui semblent dispersés. Le reste de la pièce semble éboulé et vous avez plus ou moins l'impression d'être dans une espèce de... Comment dire de salle de machinerie dont on aurait coupé quasiment les trois quarts suite à l'éboulement. Vous vous posez et vous arrêtez de respirer. De l'autre côté, vous entendez beaucoup de bruit. Des cris, des choses comme ça. Puis quelques bruits de pas dans votre direction, comme s'il y en avait deux, trois qui allaient explorer par ici. Il semble que la majorité soit dirigée vers la sortie, pensant que les potentiels intrus se soient enfuis dans cette direction. Mais dans le doute, ils vont quand même envoyer quelques-uns chez vous. Vous les voyez rentrer, ils n'ont pas de torche pour s'éclairer. Ils ont la tête légèrement dans les épaules. La tête est un petit peu en avant. Ils sont pliés sur eux-mêmes. Et vous les entendez grogner, respirer comme s'ils allaient vous repérer à l'odeur. Personnellement, je sais me mettre accroupi pour si jamais ils cherchent à hauteur d'homme. Donc là, juste un petit peu. Tu le mets accroupi, tu y arrives sans faire de bruit. En effet, pareil, tu vois, longtemps après, il y en a un qui commence à tâtonner. Toi, moment Mokoche, tu sens que ton pied, il est quelque chose... Il est sur quelque chose de pas stable. Ça fait combien? Une seule réussite. C'est un déclencheur. Ouais, c'est quand même un échec. Et hop là, d'un seul coup, il roule un peu, et ça fait un léger... Pas grand chose, mais suffisamment que pour que dans le silence profond, les deux silhouettes se retournent, tandis que la troisième garde la porte, et que les deux autres se dirigent dans ta direction. Je prends la pierre que j'ai et je la lance quasiment à l'opposé de là où il n'est pas fort, pas vers la porte puisque il y a le mec donc je peux pas lui tirer dessus, mais genre à l'autre bout de, à, le plus loin que je puisse, mais à loin de nous en fait. Jette à l'opposé, fam, la pierre elle heurte le mur, d'un seul coup les deux se retournent, il y en a un qui jette sa hache dans cette direction, fam, sa hache aussi heurte du coup le mur. Le deuxième commence à courir et saute. Et puis ils commencent à crier, frustrés, et ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Mais ils savent que vous êtes là, et l'autre, le troisième qui était à l'entrée, commence à retourner pour alerter ses potes. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je... À trois. On y va. À part c'est un meilleur plan. Oui, moi je me précipite vers celui qui va pour partir. Ok, tu commences à courir en direction de celui qui commence à... Ouais, celui qui est dans la porte. Tu fais quoi ton côté, Flux? De l'autre côté, de toute façon, ils sont là, ils sont que 3, comparé à la quinzaine, vingtaine qu'on doit se taper s'il va passer. Moi, je vais empêcher l'autre de partir à prévenir. Ce que je voulais faire, et ce qui va aider Toric, c'est pour ça que je voulais compter à 3, je vais m'allumer. Comme ça, on va voir et ça éviter que Toric se prenne des trucs sur le chemin et qu'il tombe. D'un seul coup, vous voyez Flux qui apparaît. Et en effet, t'en as un qui commence à se ruer dans ta direction. Mais pas se ruer en mode « je te saute dessus ». Finalement, tandis que le deuxième ramassage... C'est, il tourne un petit peu autour. Ok. De toute façon, j'ai mon coche à côté de moi, normalement. Elle est pas très très... Ouais. Toi, tu commences à courir, Toric, fais-moi un jet de body... athlétisme. Tu commences à courir et t'arrives à le rattraper. Fais-moi un jet de body force pour essayer de le plaquer au sol. T'arrives, tu le jettes sur lui, t'arrives à le plaquer au sol, mais au moment où sa tête fou, éclate par terre... Tu remarques que t'es de nouveau dans la grande salle, et juste devant toi, tu vois une bonne dizaine de silhouettes se retourner, commencer à dégainer leur hache, leur épée, et commencer à hurler tandis qu'ils courent dans ta direction. Mokoche, t'es dans le noir, tu vois Efflux enlumiéré, je viens d'inventer ce mot mais je le trouve joli, avec deux cafards à côté de lui. Très bien. Eh bien... Ah, bonne question avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils sont assez proches de Efflux pour qu'un coup d'espadon coupe aussi Efflux? Non, peut-être pas non plus. Ok, donc je vais utiliser mon espadon et je vais essayer... Efflux, c'est le seul à briller, ça. D'accord. Plutôt, c'est facile de l'éviter. Je vais donc dégainer mon arme, dont j'avais la main de toute manière sur la poignée. Ouais, je m'en doute. Ça fait un moment, hein. Tu la dégaines. Pour, si ce n'est les blesser, en tout cas, au moins les éloigner de Efflux, parce que... Il a pas l'air de savoir se débrouiller de toute manière. Ok, très bien. Tu te rapproches, et donc je vais te demander un jet d'athlétisme mêlé. Sachant, je vérifie, mais je me demande si ton arme te donne pas un malus de maniabilité. Mokosh. Si, c'est ça, tu as 2 dés en moins, donc tu as un malus de 2 dés à ton jeu. T'arrives en direction du premier, t'essayes de vider les deux ou pas? De vider les deux, de viser les deux? Ouais. Ok. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir répartir les blessures entre les deux, on va faire moitié-moitié. T'arrives, tu sors ton espadon et d'un seul coup, tu les tranches en deux. Tu donnes une espèce de gros coup latéral et ils s'éclatent par terre, ils se mettent à hurler. Ils sont pas morts. Tu les vois encore un peu bouger, ils sont en train de se noyer dans leur sang, par contre, là, le coup par surprise leur a fait mal. Ça faisait longtemps que ton espadon, il n'avait pas goûté du sang. Qu'est-ce que tu fais, Efflux? Toi, t'étais juste devant et tu viens voir les deux se faire balayer par Mokosh. Au fond de toi, tu savais qu'elle allait arriver, mais t'as quand même eu peur l'espace d'un instant. Non, je dirais pas de la peur, juste de la sécurité. Ils avaient quoi comme arme, les cafards, hein? Le premier avait une hache, le deuxième avait une espèce de dague longue, une espèce de épée courte. Ok, j'aimerais ramasser la dague. Ok, tu récupères la dague rapidement. Voilà. Et bah, si je peux encore agir après ça, c'est bien. Bah, du coup, j'aimerais l'utiliser contre les hommes au sable. Ok. En effet, tu te jettes sur eux sur les films. On va passer à Torik. Torik, t'es dans la salle principale. Tu viens juste de te relever du mec que tu viens d'éclater par terre, qui est sans doute assommé, tandis que tu vois une bonne quinzaine d'entre eux à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ils sont quand même, pour l'instant, assez loin de moi. Enfin, ils sont pas au contact direct. Ils sont à 4 mètres. Donc, ça va arriver. Mais si t'agis juste avant, t'as peut-être quelques secondes pour faire un truc. Alors, ce que je propose, c'est de prendre mon fusil fongicide. Ok. De mettre... donc dedans, j'ai des cartouches... Des poussières de feu, il t'en reste. Voilà, de poussières de feu. Et de tirer dans le tas, en fait. Genre, en gros, je me dis que si je tire dans le tas, ça peut les faire dégager... En effet, donc alors qu'ils sont en train de se ruer sur toi, tu récupères ton fusil à fongicide, il est déjà chargé, et tu t'apprêtes à tirer. Oui. Tu vas donc me faire un jet de agilité projectile avec un malus de 2, puisque tu viens de dégainer au tour où tu fais cette action. Oh putain, j'ai aucune chance. Il faut que tu fasses de réussite. Ouais bah... Oh putain, je l'ai fait. Oh merci mon dieu. Je l'ai fait. Parfait. Donc oui, pour le coup, ils sont tous en défense passive. Ils sont juste sur toi. T'arrives à enclencher le truc. Tu le diriges dans leur direction. Et foum, tu tires ta poussière de feu. En gros, la poussière de feu, c'est un mélange entre une espèce de lance-grenade et de lance-flamme. D'un seul coup, foum, la première nuée qui se jette sur toi commence à prendre feu. Mais tu les vois, il y en a certains, ça les arrête pas, tandis que d'autres sont en train de se rouler au sol et que les derniers derrière font quelques pas en arrière. Tu vas quand même du coup essuyer quelques assauts. Ta défense passive est actuellement de 2, mais je t'octroie un bonus de 2 parce qu'il y a aussi un mur de flammes devant toi, ce qui gêne et la visibilité et le fait d'arriver au corps, ouais. Parce que c'est relativement chaud. Mais c'est des cafards, il y en a quelques-uns qui sont un peu fous et qui vont t'attaquer quand même. Le premier va t'attaquer avec une masse qui jette 9 dés. Mais il a un malus de 2, donc il va en jeter que 7. C'est bon, 7. Ok. J'ai fait que 2 réussites, dont un déclencheur, mais que 2 réussites quand même. Ouf. Ouais. Malheureusement, sur cette dé, j'ai... Vous avez des chances, comme d'habitude, j'ai pas de poste. Tant mieux, continue comme ça. Ensuite... Le deuxième, je vais en faire quand même un deuxième qui t'attaque. Lui, il arrive à l'épée, il a 8 dés. J'ai le droit à un dé de plus, il a pas le malus. Et il fait lourdement que 2 réussites aussi sur 8 dés, hein. Pour rappel, j'ai une chance sur 2. Donc, tu vois, il y en a 2-3 qui commençaient de se jeter sur toi, mais les flammes, juste les flammes. Tandis que tu recules un peu avec le truc. Tu sens aussi qu'il y a quand même eu, tu sais, une espèce de légère explosion au moment où t'as fait le truc. Fais-moi un petit jet de perception. Bon, ça te paraît évident quand tu regardes le sol et les murs autour de toi, la structure se met à brinque-baller. Ok, bah du coup, je retourne très vite dans la pièce où ils sont. Tu retournes très vite dans la pièce. Derrière toi, t'entends le bruit d'une pierre qui chute, suivie d'une autre, suivie encore une autre. Tu vois un cafard se jeter, t'agripper et s'agripper à ta jambe. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je lui mets un... Je vais toujours avoir le fusil à fongicide dans la main, donc je lui mets un coup de crosse dans la tronche. Ok, tu lui mets un coup de crosse, tu vois qu'il lâche une espèce d'une seconde jusqu'à ce qu'une pierre, une énorme pierre se détache du plafond et s'écrase contre sa tête, son crâne explose devant toi, t'es couvert de sang. Tu continues de te relever dans la direction arrière, tandis que tu sens toute la structure commencer à brinque-baller et à s'écrouler littéralement, en fait le petit couloir est en train de en face de vous. Alors, en face de toi, tu découvres Mokosh et Torik qui est en train de cutter, enfin qui est cutté. Vous êtes piégé dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez que l'avant de la pièce, l'éboulement s'est pas arrêté au couloir. L'avant de la pièce s'est également écroulé. Il y a une espèce de poche de sable qui s'est déversée, ainsi que. Enfin, quelques rochers, comme le haut d'une autre galerie, donc vous avez une espèce de mélange de terre, de sable et de pierre qui vient de se déverser à l'entrée, qui vous bloque un petit peu sur l'arrière de la pièce. Eh bien, j'espère que ton bras n'était pas là. Écoute, déjà, j'espère qu'on va pouvoir sortir. C'est déjà ça qui m'intéresse le plus. Mais vous en avez fini avec les deux, là? À ton avis? Du coup, je profite que Flux qui soit complètement allumé pour justement en profiter pour regarder la pièce. Parce que du coup, on n'avait pas de visuel sur ce qu'on avait, donc maintenant on en a un. Vous observez la pièce. Donc, comme je l'avais dit, c'est une espèce de vieille salle de maçonnerie. Pour le coup, elle est malheureusement éboulée en partie à l'arrière. Mmh. Comme je l'avais dit, donc pour le coup, c'est vraiment des grosses pierres qui se sont écrasées lorsque le bâtiment s'est enseveli. Sans que vous sachiez comment, d'ailleurs, toujours. Et l'avant, elle est aussi, maintenant. Sur les côtés, vous voyez... rien. Pas de... porte, simplement des murs, et à côté, des machines, des pièces, des rouages, du métal qui traînent. Est-ce que... dans les trois pièces qui étaient... est-ce que... il y avait... elles étaient collées les unes aux autres? Est-ce que c'était trois pièces? Non, justement au contraire, vous avez une salle principale et les trois partaient dans un sens différent. D'accord, donc là on est vraiment... celle de devant, celle de droite et celle de gauche. Mais vu qu'il y avait des petits couloirs, tu sais pas trop si vous êtes pitoyant ou pas. Si alors, si on va dans le fond de la pièce, là où tu nous as dit que c'était effondré, est-ce que c'est... en regardant bien, il n'y a pas moyen de peut-être dégager pour avoir accès à autre chose ou... Tu bouges quelques pierres, et en faisant ça, t'en as instantanément quelques autres qui commencent à s'écrouler. Tu vois que ça a l'air d'être possible, même s'il y en a quelques très grosses, mais ça a l'air d'être à double tranchant. Soit vous y arrivez, et vous pouvez peut-être atteindre une autre zone moins éboulée, tu sais pas ce qu'il y a derrière, ça se voit, tu le vois pas. Ouais. Pas non plus sur combien de mètres il y a des pierres. Soit, la structure, en décalant les pierres, tu fais s'effondrer le reste du truc et sans doute que vous finissez en seul. Après, en même temps, je me dis qu'on n'a pas 36 solutions de toute manière, puisque il y a une sortie devant qui vient de s'ébouler et au vu de ce que j'ai vu, ça s'est éboulé loin devant, donc on peut clairement pas passer par là où on est arrivé. Et il y a ici où il y a l'air d'avoir quelque chose. Sinon, on va rester là et on va crever, quoi. Donc, Les autres murs qui nous entourent, du coup, gauche et droite, puisque c'est ça, en gros, ça pense au flic, c'est comment? Est-ce qu'il commence à avoir des fissures? Est-ce que ça a l'air d'être exploitable ou ça a l'air d'être du bon gros métal qui bouge? L'un des deux est plutôt en bon état. L'autre, en fait, enfin, le premier a eu la chance que l'éboulement qui a creusé le plafond passe devant. Par contre, le deuxième, en effet, tu sens qu'en fait la structure haute s'est affaissée parce que les pierres sont tombées sur le haut du mur et donc le poêle l'a un peu brisé en deux. J'en profite aussi pour faire une petite aparté. Vous venez de croiser des membres du clan du cafard. Vous saviez que donc l'invasion du protectorat continue et qu'ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'ils rallient des clans. Vous les aviez jamais vus aussi proches de grandes zones. Vous êtes actuellement pas dans le protectorat, mais quand même, ça reste. C'est inquiétant. C'est inquiétant et c'est presque même, c'en est presque étrange. Le mur qui va bien, enfin, au contraire, le mur qui peut s'effondrer, c'est celui-là qui est mitoyen à la salle où il y avait les cafards ou c'est celui-là qui est mitoyen à là où c'était totalement éboulé? C'est celui qui est mitoyen là où c'était complètement éboulé. Ok, génial. Donc, du coup, mais de toute façon, tu nous as dit que les trois salles n'étaient pas collées l'une à l'autre. Non, mais visiblement, oui, il est mitoyen. Il y a forcément quelque chose derrière, donc. Oui. Bah, moi, honnêtement, les amis, je pense qu'il faut qu'on aille creuser dans le fond de la pièce et essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir accès à un autre endroit de l'usine par là. Enfin, ou de l'usine, non, j'ai pas dit ça. Du bâtiment par là. Oui, je suis d'accord. Je réfléchissais au mur, mais visiblement, ça nous. Mokosh ? Ouais, il n'y a pas de chance que ce soit libre. Enfin, Mokosh, t'entends du bruit derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes et que tu aperçois dans l'entrée, vu que la poussière vient de se tasser, celle qui vient de s'écrouler sous les tas de trucs, de débris, la silhouette d'un membre du clan du cafard, qui visiblement s'est également précipité derrière Torik. Et même si Torik l'avait pas vu, est complètement bloqué sous un rocher. C'est pas celui dont le crâne a été écrasé, c'est un autre qui a réussi à passer juste après, mais qui s'est aussi pris dans les décombres. Il a actuellement la colonne explosée par une espèce de grosse pierre qui est dessus, mais son visage bouge et il semble un peu gémir légèrement en agitant un bras. On n'est pas tout seul. De quoi ? On n'est pas tout seul. C'est il y a qui est là? Il y a là, regarde. Écoute, achève-le si tu veux. je te donne mon diagnostic, il est condamné. Bon bah s'il est condamné alors. Alors, en même temps, devrais-je dire depuis quand Mokosh épargne des cafards? Bon, du coup, j'ai envie d'essayer un truc avant, parce qu'en vrai, j'ai jamais pu leur parler avant. Je vais essayer de lui parler d'abord. Parce qu'en vrai, ça parle pas les cafards, normalement. Je vais lui faire, tu m'entends? Ok. En effet, c'est l'information que j'étais en train de vérifier aussi, c'est est-ce qu'il a entendu le... Ouais, j'ai jugé les condamnés. Alors, c'est pas vraiment indiqué, mais en fait, les cafards ont vécu reclus de la société. Pendant très longtemps. Donc je vais partir du principe qu'en effet, il te comprend pas, mais il te répond quand même plus ou moins. Il semble avoir quelques souches en fait au niveau de la langue, et tu vois qu'il semble vite fait acquiescer tout en gémissant parce qu'il semble avoir relativement mal puisqu'il a actuellement une pierre qui lui bloque le dos et qui lui écrase la colonne. Tu comprends ce que je dis parfaitement? Tu vois qu'il te répond dans un dialecte un petit peu inconnu, une espèce de langage un peu guttural. Un peu. Aidez-moi. Tu vois qu'il a l'air relativement jeune. Il est peut-être même pas plus âgé que toi. Où sont les autres sorciers? Sorciers, tu demandes? Non, où sont les autres sorciers? Non, je veux pas les sorciers. Je comprenais pas. Où sont les sorciers? On a changé de jeu. On a changé de jeu. En ouais, les gars, d'où? On joue à Donjons et Dragons. Pas savoir. Seulement là. Tu vois qu'avec sa main qui bouge, il fait le signe de... Deux. De lune. Pas connaître l'endroit. Pendant ce temps-là, moi j'essaye de voir hein, pour, avec Efflux pour essayer de je gratter. Je vais demander à chacun de faire un petit jet d'instinct perception, tandis que Mokosh elle discute avec un peu l'ennemi de la nation. L'ennemi de la nation. Parce que outre cette. La perception, je rappelle que j'ai acheté quelques pelles de fortune qui pourront servir. Ça pourrait vous être très utile hein, en l'occurrence. Alors moi sur instinct perception, bon. J'ai fait. De réussite un déclencheur. En fait. Ah, il saura jamais. Je suis toute la liste. Alors, 2 réussites, un déclencheur. C'est pas un très bon succès, mais c'est modéré. Un déclencheur. Ah. Aucune réponse. C'est tout. C'est tout. Parfait. Tandis que Efflux, ton personnage d'animé, Tori, que tu observes la zone et tu vois pas grand chose. En fait, vous semblez vraiment pris entre 4 murs. Et pour rappel, il fait actuellement nuit, tu commences en plus la fatigue à venir et tu sais que ta vision, tu vois, forcément, on n'est pas non plus des. Mais après, est-ce qu'on n'a pas moyen, dans un premier temps, avec Flux, de peut-être dégager les premières pierres assez délicatement? En effet, par contre, vous pouvez, si vous voulez, commencer à dégager les premières pierres. Ouais, voilà. Mais genre, doucement, quoi. Pas genre comme des gros bourrins pour éviter que ça retombe. D'accord. Je vais vous demander chacun de me lancer un dé des Genesis. Donc, c'est pas un test, mais vous me faites un test. Enfin... C'est pas un test, mais vous me jetez un dé et vous me dites si vous obtenez une tête de mort. Non, j'obtiens un déclencheur. Ah, j'ai une réussite. Ok. Vous dégagez pas... les décombres. C'est pas les rouges déclencheurs, normalement. Si, mais parce que. Je on s'en fout, il fallait pas avoir une tête de mort, de toute façon. C'est ça. Voilà, de toute façon, c'est ça qui. Vous arrivez à dégager quelques pierres sans que. Et en stabilisant ce qui se trouve de l'autre côté. Ouais. Pour éviter de vous prendre les mêmes sur la gueule lorsque vous dégagez celle en bas. Ça a l'air d'être un peu fragile, mais il y a un équilibre qui se crée. Et vous avez désormais de quoi passer quelqu'un. Mais de l'autre côté, vous avez toujours des gravats. Eh bien. Vous savez pas jusque où profondément est-ce que ça va, en termes de profondeur. Ça se trouve, il y en a sur 2 mètres, ça se trouve, il y en a sur 15. Bien entendu. Du coup, ce qu'on peut faire. Effectivement. Du coup, ce qu'on peut faire. C'est pas bah, glisser une personne qui va du coup gratter avec les pelles le gravat, le sortir, etc. Enfin, en gros, ça va être très long, mais bon, il y a Mokosh qui parle et l'autre peut se reposer et comme ça on se fait une rotation pendant la nuit. Enfin, pour la nuit, la journée, enfin, vu qu'on n'a pas l'heure exacte, mais on fait une rotation pendant le temps qui passe. Ouais, vous supposez qu'il faut encore. Après, je propose que, étant donné qu'on est quand même dans un atelier, si j'ai bien compris, enfin, avec des machines et de la ferraille. Essayez de mettre de construire une petite structure qui peut permettre d'empêcher l'éboulement des cailloux qui sont au-dessus voilà pour protéger au cas où quoi. Qui est-ce qui va se rendre dans le dédale, enfin dans l'espèce de petit tunnel que vous êtes en train de creuser? Qui est-ce qui va se mettre à façon, on va y aller tour par tour, ouais, c'est tout. Bah je vais commencer à y aller. Tu vas commencer à y aller. Dans ce cas-là, je vais te demander en effet un G pour commencer d'agilité dextérité. Pour retirer les pierres de manière. C'est vraiment pas mon domaine là. Mais évidemment. Une réussite. Donc pour l'instant, tout va bien. Voilà. Pendant ce temps-là, parce que je précise, là, je le fais assez rapidement, en fait, cette action elle va prendre plusieurs heures. Tu vas gratter pendant relativement longtemps. Tu vas fait avancer très lentement parce que des fois tu vas te trouver en face d'une grosse pierre et tu vas être quasiment obligé de la contourner. Ouais. Certains moments tu arrives dans des espèces de poches où naturellement il y a deux pierres qui sont tombées avec une grosse au-dessus qui te permet de gagner un bon mètre quasiment très rapidement. Et ainsi tu fouilles les décombres. D'ailleurs tu galères pas mal à devoir faire demi-tour pour retourner de l'autre côté. C'est quasiment obligé en fait de ramper mais dans le sens inverse. En marche arrière quoi. Et t'es là, t'es coincé entre ces gros blocs. T'y vois pas, t'y vois rien en fait, quasiment. T'as la poussière qui te prend en narine, tu vois, c'est une situation qui est vraiment pas agréable. Pendant ce temps-là, Flux, toi, tu te reposes comme tu peux. Tu vas voir Thoric partir. J'écoute la conversation. Ouais. Tu pries intérieurement pour ne pas entendre d'un seul coup le bruit d'un éboulement énorme qui irait ensevelir ton ami définitivement. Et pendant ce temps-là, tu écoutes la discussion de Mokosh. Toi, tu parles avec le cafard. Je sais pas pendant combien de temps tu vas lui parler, on va voir. Qui est à ta merci, bloqué sous... en tout cas, ses jambes sont bloquées sous des pierres et son dos, en plus, est appuyé par une autre. Qu'est-ce que tu lui dis, Mokosh? De quoi est-ce que tu discutes avec lui? Bien, déjà... Pour commencer, j'essaye d'insister un peu, tout de même, si... J'essaye d'insister un peu sur les sorties. Je sais qu'a priori, il a l'air d'être un peu confus là-dessus, mais... Mais voilà, genre... Tu connais aucune sortie. Non, tu comprends en fait qu'ils sont pas là depuis longtemps. Ils sont en permanence en mouvance. Et ils sont pas là. Ils sont là en fait de quasiment depuis deux nuits et ils étaient en train de se préparer. Par contre, tu vois en effet qu'il fait un petit dessin avec son doigt dans la poussière et l'espèce de gravat de sable sur le côté. Où il fabrique en fait une espèce de d'arche vite fait, mais très précaire, hein. C'est genre trois rectangles l'un sur l'autre, et autour ce qui s'apparenterait à des flammes. J'ai puis aucune plein de petits points ça... avec son doigt. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, donc je vais passer à autre chose. Est-ce que tu veux me faire un petit jet d'intellect? Est-ce que t'as plutôt focus? Attends. Non, j'ai pas focus, mais j'ai légende. J'hésite à faire soit légende, mais non, ça va être plutôt psyché, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un empathie, que je me rappelle bien? Si, instinct empathie. C'est dans l'instinct. Okay. Du coup, j'arrête pas de changer, mais c'est instinct empathie. Ok, voilà, je n'ai pas d'empathie. Ah, si tu es Mokosh, c'est normal. Mais j'ai de l'instinct. Un déclencheur contre un échec. Un déclencheur contre un échec? Ouais. C'est pas fameux. En effet, t'as du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Tu pourrais supposer que les points sont des cafards, parce qu'il fait un point puis il se pointe du doigt juste après. Mais ce que l'arche représente, tu sais pas, est-ce que les espèces de flammes veulent dire, tu sais pas non. Ok. Bon. Tu vas mourir, tu sais. Est-ce que tu veux mourir plus vite? Tu vois qu'il baisse un peu les yeux. Il te regarde. Et puis il acquiesce. Très bien. Bah, je vais tout simplement, je vais l'exécuter. Ok. Le plus proprement possible. En effet, pour plein de raisons, que ce soit physique ou même sociale, ça aurait pas été possible de le laisser en vie. Tu lèves ta lame et tu la bats au niveau de sa tête, qui roule sur le sol. À ce moment-là, Thoric ressort. Du couloir, et c'est tout pour le flux d'aller ramper. Pendant ce temps-là, moi je fais l'engineering pour essayer de. Ok, toi t'essaies de consolider ce qu'il y a derrière. Voilà. Et flux, tu vas me faire du coup un jet de survie. T'arrives relativement bien à t'en tirer en effet. Tu retires un bon nombre de pierres et en quelques heures t'arrives à avancer pas mal. Pendant ce temps-là, Thoric, fais-moi un jet de Engineering. J'ai fait une réussite, un déclencheur. Enfin, dont un déclencheur. T'as du mal à faire quelque chose de très très bien. Donc tu rates pas, la structure s'écroule pas, t'as pas tout fait foirer. Mais c'est pas incroyable. Bah, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, Flux ramper et ramener des pierres de temps en temps, tandis que Thoric s'efforce d'essayer de faire tenir des barres de fer pour éviter que la structure ne s'écroule dessus. Je pense que pendant que Thoric fait ça, moi je vais fouiller dans le reste de la pierre justement pour lui rapporter plus d'objets à foutre tension sur lui. Ok, d'accord, tu l'as. Il va me donner un coup de main. Un jet de physique vigueur. Tandis que la nuit entière semble s'écouler à l'intérieur du dénal. Ok, on a un dé pour Mokosh. Tu n'as pas non créé, tu as donc échoué. Je ne trouve pas de truc à mettre dans le tunnel. Il trouve rien à ramener. Non, oh, mais tu sers à rien, moi, quand même. Tu vas avoir un deuxième jet à faire, et si tu le rates, t'auras un petit cadeau. Un deuxième jet ? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ceux qui ratent la VG, en fait, s'épuisent, ils vont être obligés de... Ah, d'accord. De... Parce que l'air commence à manquer, la fatigue commence à manquer. En body, pression, avec tout ce que t'as en body, t'arrives à faire un ? Alors, c'est pas vraiment en body que j'ai plein de points, c'est dans des spécialités de body. Ah, d'accord. Je vous laisse. Vous ah, ouf. Ah, ah, ça va. Ah, bah non, tu t'es plutôt, t'as plutôt bien réussi. Ouais. Il y a des autres aussi, hein, faites-moi tous le G. Ah, on fait tous. On oui, body oui, quoi jeu, oui. Y a pas de soucis. Donc, c'est vig, body vigor. Donc, stamina. Body stamina. Ok, donc Moko, de ton côté, tu te laisses pas abattre. Et Flux, de ton côté, ça va être un petit peu plus facile. Et go, oula. Okay. Turiki Mokosh, vous, aucun souci. Par contre, je suis dans ces cellules. Toi, t'as un petit peu plus de mal. Entre le fait que vous soyez sous pression, qu'à n'importe quel moment vous pourriez mourir étouffé, que l'air commence à manquer, que la fatigue vient, que potentiellement une vingtaine d'ennemis vous attendent juste derrière, tu commences à stresser. Et je vais te demander donc de me faire un jet de défense mentale. Et de ton côté, je vois que tu es. Dans ce cas, j'ai demandé un jet de psyché Faith. C'est vrai que de ton côté, Mokosh, t'aurais pu paniquer avec cette espèce d'impression de retourner en prison, d'être enfermé à nouveau, mais finalement, c'est plus l'habitude et la lassitude qui va. Finalement, Flux, au bout d'un moment, lorsque tu te relais pour laisser Mokosh à nouveau à passer en dessous, tu te poses et... Tu vas te reposer, tu as même assis sur des pierres très inconfortables, t'endormir quasiment pendant une heure, mais tout en restant debout, comme si t'étais encore là, juste simplement à regarder. Et tu vas réfléchir et penser à ces choses auxquelles tu crois, ces forces supérieures qui, pour toi, sont là et veillent sur toi. En effet, personne ne sait que tu dors. Et ça va te redonner suffisamment confiance en toi pour ne pas céder à la panique. Donc, je t'aurais donné un malus d'ego, mais ça ne va pas être le cas. Torik, je suis content d'avoir mis des plans dans la très bon jet. Oui. Torik est assez motivé, et Mokosh aussi. Il y a même un moment où vous allez carrément aller à deux. En effet, vous avez réussi à débloquer une espèce d'espace un peu suffisant pour passer à deux et essayer de débloquer des trucs. Oui. Vous avez la motivation, vous avez envie de vous en sortir, vous êtes pas, vous avez pas fait tout ce que vous avez fait pour mourir ici, enfermé comme ça, dans un espèce de ruine d'antan. Au bout d'un moment, vous sentez une pierre. Elle est grosse, elle est très très lourde. Vous avez du mal à la tirer vers vous. Vous avez pas de prise au niveau de vos doigts, mais en dessous de la plupart d'entre elles étaient très imparfaites, donc vous pouviez vous accrocher à certaines choses, mais celle-là, c'est pas le cas. Toutefois, vous observez un filet de poussière se détacher des côtés de cette dernière, comme si une légère, peut-être moins d'un millimètre d'espace laissait passer du vent, ou en tout cas de l'air. Vous en déduisez donc que cette pierre, plutôt que de la tirer, vous pourriez la pousser. Et je vous demandais de me faire chacun, tous les deux, un jet de body force. À vous deux, il faut que vous fassiez 3 réussites. 5 réussites dont un déclencheur. Bon, je la laisse faire. Ok. Mokosh, ni une ni deux, elle commence à la pousser. Et c'est vraiment une grosse pierre, mais elle la dégage et vous arrivez dans une nouvelle partie de l'usine. On appelle, j'appelle les Flux. Viens, Flux. Oui, bien sûr. Tu feras le tour également. Tu iras ramper sous le dédale. D'ailleurs, au moment où tu pars, derrière toi, donc de là où vous venez, là où ça vient de s'effondrer, t'entends des bruits, comme si de l'autre côté, des personnes s'efforçaient de retirer les pierres qui s'y trouvaient, pour se rapprocher de vous. Moi, en partant, je n'ai pas rebouché, mais j'aimerais juste retirer les structures qui servent à tenir pour masquer un peu plus le fait qu'on soit parti par là. Genre, je les prends avec moi en partant, quoi. Ok. Tu les retires. Après, il y a toujours tout un passage, donc en soi, ils le verront, mais... Oui, mais ça sera moins flagrant, tu vois. Genre, s'ils cherchent... Après, on pourra toujours remettre la pierre qu'on a poussée, on peut la remettre, déjà. En effet, vous arrivez de l'autre côté, et si vous voulez, vous pouvez commencer par remettre la pierre où elle était. Maintenant, il y a de fortes chances qu'ils la trouvent assez rapidement le passage, et qu'ils puissent s'y engouffrer derrière vous quand ils auront réussi à passer. Oui, mais ça fait du temps ralenti. Tu tapes dessus. Ça disparaît totalement. Bien sûr. De l'autre côté, vous réalisez qu'en fait, vous êtes dans la même pièce. Simplement, il y a eu peut-être 6 ou 7 mètres, vous ne saurez pas trop dire la distance, d'éboulement au milieu. Et là, vous vous trouvez de l'autre côté de la même salle des machines. Vous voyez plusieurs tapis sur lesquels sont entreposés différents matériaux mécaniques et quelques bras robotiques, alors pas des prothèses, des bras robotiques qui servaient à effectuer les pièces. L'endroit où vous vous trouvez est encore plus petit que celui d'avant. Qu'est-ce que vous faites ? Par contre, vous voyez qu'il y a une porte devant vous. Ah bah, déjà, bon, lui, il est... T'étais allumé, Flux, je suppose. Bien sûr. Mais à part cette porte, est-ce qu'on voit autre chose qui pourrait... Vous n'avez pas fouillé la pièce, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais on fouille la pièce. Faites-moi un jet d'instinct perception. Enfin, ceux qui veulent, hein, après... Oui, ceux qui veulent fouiller. S'il y en a qui veulent attendre et rien faire, vous pouvez aussi. Moi, je préfère rester aussi. Je préfère rester aux aguets, moi, personnellement. Okay, parce que on sait qu'il y a des ennemis, donc... Ça va aussi monter la garde, c'est une bonne idée. Je veux trouver mon bras. En effet, 3 réussites de déclencheur, c'est un plutôt bon jeu. Entre 2 pièces de machinerie, par terre, tu aperçois 2 bras mécaniques. Cassés. Complètement. Détruits, explosés par des pierres. Bah, je les prends quand même. On sait jamais si je peux en faire un avec 2. Ouais. En fait, ça sera pas vraiment nécessaire. Parce que juste derrière, tu vois une espèce de grande boîte. Tu sais, comme une boîte qu'on ferait livrer chez quelqu'un en... Ah oui, d'accord. Porte. Et en l'ouvrant à l'intérieur, parce qu'elle est très large, c'est pas du carton, hein, c'est du métal, c'est de l'acier. Ouais. Tu aperçois l'objet de ta convoitise. Tu vous reconnais exactement le même bras que vous aviez vu chez le prospecteur. Donc, mécanique. Je le prends, évidemment. Hop. Tu le récupères. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu te dis que si jamais il y a une solution, ça doit être ça. Ouais. Elle va sans doute venir de là. Tu regardes, il n'y en a pas d'autres. C'était le dernier pour le coup, avec les 2 premiers qui sont pétés, si tu veux les récupérer. Je vais les prendre quand même, parce que ça, on sait jamais. Si un jour il y a besoin d'avoir des pièces de rechange parce qu'il y a un truc, je les prends aussi. Ouais. Sur la boîte, tu vois également écrit en gros BS-Corps. Tu vois que ça veut dire Be Strong. Bon, voilà, c'est a priori le nom de la boîte. Il n'y a pas un mode d'emploi dedans ? Pardon ? Il n'y a pas de mode d'emploi dedans ? Non, malheureusement. Mais tu sais, peut-être qu'il y a plus de 500 ans, donc voilà. Et à l'époque, c'était une marque, enfin une boîte qui fabriquait des athènes. D'accord. Je vous propose... Oui. Torik. Oui. De vous aider à transporter votre bras, étant donné que vous n'avez qu'un bras pour porter à l'heure actuelle et que... On a peut-être moyen de retomber sur des capards, ça serait bien que vous puissiez l'utiliser autrement. Bien sûr. En effet, en plus, le bras que tu possèdes actuellement... Comment dire... Il est vachement abîmé vu que t'as dû ramper ou autre. Ah oui, celui que j'ai là. Ouais. Ça, je t'ai pas concrètement imposé de malus parce que, en vrai, vu que tu prends ton temps, c'est pas trop grave de le faire à une main. Tu peux toujours faire à peu près la même chose. Mais ouais, il s'est abîmé, voilà, le plastique. D'accord. C'est un peu défoncé contre la pierre... Le plastique était, malgré le fait qu'il soit un peu en dessous de ta tenue, le gant s'est un peu effriché ou autre parce que tu t'es frotté. Bon, tu vois que le truc c'est un peu... Voilà, normalement le plastique il est bien rose et là il est plutôt noir. D'accord. De l'autre côté de la porte, vous arrivez au niveau d'une nouvelle salle qui elle semble plus être une espèce de recueil de bureaux dont une partie est également effondrée. Et pour le coup ça vous donne une espèce d'accès... au niveau du plafond, comme si vous pouviez vous glisser dedans. Bah écoute, on va voir, de toute façon, il faut que... Bon, après, pareil, hein, j'en profite quand même, malgré tout, pour fouiller la pièce, voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut... Pour le coup, dans celle-ci, vous ne trouverez rien d'intéressant, il n'y avait que des ordinateurs, des appareils mécaniques qui sont clairement explosés, là, pour le coup. D'accord. Voilà. Le trou au plafond... Mmh. On peut y accéder nature d'homme ou on fait courte échelle? Pardon? Ah, vous pouvez. En fait, vu qu'il y a le bureau, vous pouvez. Monter dessus et aller directement. Ouais. D'accord, même pas besoin de courte échelle. Bah, très bien, bah. Dans ce cas, autant monter vu qu'il n'y a rien dans, dans la salle. Vous remontez le haut, jusqu'en haut, et vous êtes finalement bloqué. Il n'y a pas de vraiment sortie. Vous avez juste devant, et pour le coup ça tombe plutôt bien, sinon vous étiez a priori piégé ici jusqu'à jamais et c'était la fin. Vous pouvez faire trois nouveaux personnages pour la partie d'avant. Vous avez un conduit d'aération qui, du coup vu qu'il se trouve vachement plus haut, semble lui avoir résisté au poids de l'ensevelissement, puisqu'il a beaucoup moins porté. Déjà ça vous donne un indice, vous êtes sans doute beaucoup plus proche du plafond, enfin en tout cas de la terre que prévu. Ouais. Donc c'est très bien, vous avez vachement monté. Et de l'autre, bah peut-être que de l'autre côté, vous allez pouvoir... De la surface, ah, peut-être qu'on se rapproche de la surface, quoi. Bah, du coup, ouais, je me rampe dans le okay. Truc. Tu t'engages en premier. Tu ouais. Commences à ramper et tu traverses le dédale, enfin, le conduit. Oui. De l'autre côté, tu vois pareil. Tu t'arrêtes net. Il y a pour le coup un énorme rocher qui l'a transpercé, qui s'est éclaté. Quand j'ai un énorme rocher, ça veut dire que même à 3, vous pourriez pas le soulever, ni le déplacer, ni rien. Il est encastré dedans. Ouais. La seule solution actuellement là que tu vois, c'est en bas. Quand tu tapes, ça sonne creux. Ah oui, de descendre. Bah oui, de toute façon. Pas ce qu'il y a, mais voilà. Bah écoute, je. On met l'accélérateur un petit peu, hein, il nous reste plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, bah écoute, je. En bas. Hein. Ok. Tu donnes quelques coups, tu vois qu'en effet, la structure métallique tient pas très très bien. D'un seul coup, ça commence à s'ouvrir légèrement, t'as une espèce de petite faille. C'est pas très rassurant, t'as l'impression qu'à n'importe quel moment, si elle s'ouvrait complètement, ouais. Tu tomberais. T'arrives à ouvrir une espèce de petit trou et à écarter un truc. C'est pas très très grand, tu peux pas encore passer ouais. Un entier. Mais t'aperçois en bas une espèce de grande grande salle, mais qui est à quelques mètres de profondeur quand même. Ouais, en gros, si je tombe, je vais tomber quand même de plusieurs mètres. Pourrait te faire assez mal. Oh putain. Et oui, et nous on a laissé la corde là-bas. Ouais. du coup, ben, je préviens les gars. Bon, maintenant on a un souci, c'est que alors il y a une sortie. Enfin, on a un endroit où aller. Seulement, c'est à plusieurs mètres de hauteur. Donc en t'as gros, enfin 5 mètres, ouais. Donc, ça si fait une sacrée. Si on tombe, on tombe de 5 mètres de haut. Mais a priori, il y a peut-être moyen qu'on puisse abaisser la chute. Enfin, du moins pour deux personnes d'entre nous. Pardon ? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est enfin, oui, déjà, s'il y a une plateforme intermédiaire, je veux bien le savoir. Ouais. Pour le coup, non, il semble pas. Et voilà. Du coup, si on en a pas, ce qu'on peut faire, c'est se fabriquer une corde avec le tissu qu'on a sur nous. Moi, je sais que j'ai un énorme. Perdu le nom, mais qui entoure. Oui, une espèce de câble. Ma tête. Une toge, ouais. Ouais, ouais, voilà, une toge, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Qui permet d'avoir pas mal de mètres. Je pense que, avec vous, Tori, et vous, mon coche, avec toi et toi, il y a de quoi avoir assez de mètres, je pense, pour au non. Moins amortir suffisamment la chute pour deux d'entre nous et non. Pour le troisième pour essayer de t'en sortir. Dans la pièce, il n'y a rien ou dans le bureau, il n'y a rien qui aurait pu être utilisable pour faire ce genre de choses. Non, le bureau, il y avait vraiment rien. Okay. Personnellement, je commence à retirer ma cape et qui du coup va essayer de vêtements, ouais, le reste. Ça va être la moi, ça va être compliqué parce que c'est une combinaison. Oui, bah, y a pas de soucis. Si tu n'as pas de cap ou truc comme ça, bah, tu n'en as pas. C'est pas de force. Ouais, c'est du coup, voilà, moi, je retire et sache. Le masque prend tout le crâne. Il y a pas de ouais. Visible. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez Flux retirer en effet la cape. En effet, vous remarquez que le masque, lui, englobe l'intégralité du crâne. Mmh. Et merde. Et moi, je rajoute avec regret, mon espèce de long manteau. Ok. Tu rajoutes avec regret, en effet, ton grand manteau. Tu l'accroches, plus qu'il ne faut pas qu'il soit déchiré dans la descente. Et que tu puisses potentiellement tenter de le récupérer, même s'il n'y a pas de chance, a priori il va rester accroché en haut. Bah, je vais descendre du coup. Ok. Toric commence à descendre. Ouais. Donc commence accroché au manteau de Mokosh que vous avez plus ou moins accroché lui-même autour du gros rocher dont je parlais pour être sûr qu'il puisse pas. Oui. Oui, enfin, plus ou moins appuyé en dessous, même si c'est vraiment très très précaire. Puis t'arrives sur le truc de flux, si tu vois, c'est presque une blague, on dirait presque un drap, t'as l'impression que ça peut se déchirer à n'importe quel moment. Ouais. Tu descends un petit peu. Ça se passe bien, t'arrives en bas. Alors, dès que j'arrive en bas, j'essaie de voir s'il n'y a pas des... l'environnement, je peux l'utiliser pour mettre de la hauteur. Tu regardes un peu par terre, tu vois pas grand-chose, malheureusement. Ah ouais, ok. Tu vois qu'il y a des débris, mais c'est plus des pierres. Éventuellement, t'as une barre en fer, mais ça sert pas non plus à grand-chose. D'accord, d'accord. Bah écoute, moi je me mets en dessous, et puis je leur dis au cas de descendre. Qu'est-ce qui suit ? Vas-y donc, ma coche. Bon, bah je suis. Ok. Mokosh, tu suis. Pareil, ça se passe bien. T'arrives à descendre. À la fin, quasiment, il y a Tori qui te récupère. Tu sais, genre, il t'attrape d'abord les pieds, puis limite, à la fin, tu finis avec tes jambes sur ses épaules et il te redépose par terre. Et Flux. Bon, en sachant que maintenant, on est deux pour le réceptionner. Si jamais il venait à tomber, on est deux pour le réceptionner. Flux ? Ouais. Moi je réfléchis, ça va être un peu dangereux pour moi, mais c'est pas un peu. Je l'assume. Je vais descendre au maximum pour pouvoir quand même détacher, en me penchant au maximum vers le haut, le manteau pour me chuter. Donc je vais tomber de, allez quoi, 4m30 mm-hmm. Je dirais environ. Bon, après nous on est là. De récupérer les... On est là. Ouais, vous êtes là, je vais vous faire un peu mal, je vais me faire un peu mal. Mais Et si tu tentes de t'accrocher ton mec mal en bas et de tirer pour essayer de dénouer le possible manteau. Tu sens que ça commence à venir, tu te dis, demande si c'était pas une connerie, mais ça commence à partir et tu sais que d'un seul coup ça va se dénouer et que tu vas partir avec. C'est sûr, oui. On fait quoi comme j'ai un body force? Alors, on va commencer avec les petites règles de chute. Elles sont relativement faciles, on va pas en avoir des heures. Est-ce que c'est la bonne page? Je prépare mes jets. Vous allez me préparer. Sachant qu'on va commencer avec Efflux. Il va peut-être déjà pouvoir tenter de survivre à sa chute. Non, en fait, non, vous avez raison, on va commencer avec vous. Vous allez me faire un jet. Force. Un jet pour attraper quelqu'un, ça pourrait être quoi? C'est de la force. Pour le retenir, non? Parce que là, en gros, on est en dessous de lui, donc il peut pas tomber à côté, on est en dessous. Ouais, en vrai, je vais dire. Je vais plutôt dire agilité, mobilité pour le fait de bien vous calibrer à l'endroit où il va tomber et le rattraper au bon moment. C'est ce que je veux dire. Ah ouais? Putain, plus le déplacement qui va importer, plus vous allez pouvoir le retenir, tu vois. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Au moins, vous allez suffisamment amortir sa chute pour que même s'il s'éclate, il se fasse moins mal. Mais est-ce que vous allez le rattraper à temps qui m'intéresse? 5 réussites, dont 3 déclencheurs. Ok. Flux aura le droit à 3 dés supplémentaires. À jeter. Ok. Alors. Après, tu as dit survivre à sa chute, mais 4m30, c'est pas non plus mortel. Oui, c'est très blessant. Tu vas me faire à Efflux un jet de physique athlétisme avec 3D supplémentaires. Ok. Il faut que tu fasses 8 réussites. Le déclencheur compte double. Ok, avec le déclencheur compte double, c'est bon. Je vois pas encore. Ouf, très dur. 8 réussites, les déclencheurs comptent double. Ouais, bon. T'as fait pas 8, mais t'es pas si grand que ça de 8. Donc c'est dire je vais me faire mal, mais je vais pas mourir. Ok. Ça fait 6 sur 8. Non, du coup ça fait 4 sur 8. D'un seul coup, en effet, ça lâche, tu commences à faire ta chute, et vlam, t'es rattrapé dans les mains de... dans les bras de... Mokosh qui, elle, t'attrape dans ses bras, comme si elle voulait te remercier d'avoir récupéré son manteau, dont malheureusement la manche finira déchirée par terre. Mais elle arrive pas non plus complètement à amortir la chute, tu t'éclates quand même un peu par terre, et je vais infliger quelques petits dégâts. Pour le coup, vu que t'as fait 6, ça va pas être grand-chose. Ah oui, c'est vrai que tu peux le faire directement depuis là. Tu vas perdre 3 points de vie. Ok. Non, après, je peux toujours te soigner un petit peu aussi. Donc, c'est une bonne chute, mais rien de très très. En effet, donc vous remarquez, donc vous êtes dans une grande pièce. Celle-là, vous l'avez pas connue, vous n'êtes pas allé dedans. Vous voyez qu'elle fait plusieurs mètres de haut, et en fait, vous venez de créer, littéralement, de percer un trou au plafond pour tomber à l'intérieur. Vous retournez un petit peu en boucle. Vous cherchez deux, trois trucs, tandis que Mokosh, elle déchire, c'est ça, la deuxième manche de son manteau pour que ce soit symétrique. Exactement. Exactement. Vous remarquez que les accès sont quasiment tous bloqués depuis là où vous êtes. Et puis, au dernier moment, vous apercevez une espèce de petite lueur en haut. Comme le soleil qui se lèverait et percerait, de par quelques lumières, un trou qui aurait été effectué. Et en observant de plus près, vous remarquez que au niveau du trou qui en effet a été percé en haut, se trouve une corde pendante. Les gars, la corde, c'est notre corde.